Nous conseillons aux pompiers d'intervenir car Vince et toute sa team vont mettre le feu ce soir. 21h minuit, du lundi au vendredi. Vince sur mais oui, mais oui, R. Mais oui, J. Vince est dans la maison. Ah, c'est bon d'être là de retour. Bienvenue sur Énergie, les amis. Mais oh là là, la puissance, hein, la force. Aujourd'hui, je sais pas, je me sens, j'ai l'impression que tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Petit, tout va bien. On est bien là aujourd'hui. Tout va bien. Bienvenue sur Énergie, j'espère que vous avez passé une très bonne journée, que vous êtes du côté du boulot. Il y en a déjà, il est en train de faire l'ambiance dans les studios et tout avec la lumière. Quoi? Tu fais pas exprès en fait de faire ça. Regarde. Fait ça, hein. C'est qui fait ce truc là qui fait clignoter le truc? C'est Eddy qui fait ça. Eddy, t'attends depuis quand? Eddy, le standardiste, t'as le contrôle sur la lumière dans le studio. Parce que oui, nous avons un studio, mais équipé comme si c'était un studio télé. Hein. Au-dessus de notre tête, il y a des stroboscopes, il y a des lights, il y a des lumières, il y a des mandarines comme certains appellent. C'est chic, hein. Ouais, c'est très beau, c'est très sympa. Et il y a quelqu'un qui était en train de chipoter, c'était toi, Eddy? Mais non, moi j'ai pas le contrôle, en plus ça me brûle les yeux, du coup, non, c'est mais moi, pas moi. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un en régie. De ouf, ouais. C'est en train de bouger là. Parce que même des fois, je vois la caméra, juste quand je fais un truc à la rana. Oh là, elle s'allume, voilà. Tu vois, elle s'allume sur moi. Oui. Sur mais donc il y a quelqu'un qui te contrôle le bordel à distance. Mais des fois je fais des coucous et tout. Ouais, je suis sûr que c'est Quentin là, notre patron de vidéo là que vous entendez de midi jusqu'à 16h sur Énergie là. En attendant, comment s'est passée votre journée les amis? On va se faire un petit topo quand le WhatsApp sera branché parce qu'il n'est pas encore branché hein. Ouais, le téléphone WhatsApp, il nous fait des merdes. En attendant, comment va Lara? Elle va très très bien. T'as passé une bonne journée là? Mais oui, écoute, j'ai fait un rendez-vous avec mon docteur dedans là. Ouais. Qui s'appelle le docteur Marachi. Alors aujourd'hui, j'ai pensé je me suis docteur Marachi, je te jure, je l'ai pas encore fait. Mais si, m'écoute, il va rigoler. Mais et du coup, mon traitement est en très bonne voie. Ah, c'est ouais, super parce il que il a réussi pauvre à Lara... mettre trois doigts en bouche. Mais directement à 21h03. Attends, mais il y a, mais comment? Mais c'est rien, c'est médical. Mais bien sûr, oui, écoute, médical, il y a tellement d'autres choses. C'était seulement deux, hein. Ah, c'est vrai. Ouais. Et depuis, donc ta bouche peut se. Ah, bah non, elle souffre de plus en plus. Très... Mais ne rigolez pas. Alors, c'est des parents qui sont en train de nous écouter avec leurs enfants dans la voiture et qui disent mais papa et maman, pourquoi est-ce que il rigole quand elle dit le médecin peut mettre trop dans la bouche. Mais parce que c'est rigolo. Voilà. Parce que d'habitude, mon fils, on le met en bas. Oh, mais voilà, ça c'est le truc de trop. Mais non, attends, c'est horrible, j'imagine mon docteur maintenant. Oh, oh oui, bien non, entendu. Non. Et donc tout se passe très bien, il était très content, il fait très bien mes exercices, tout ça, j'adore. Des exercices? Je l'adore. Tu travailles les exercices avec ta mâchoire et tout ça? Bah, évidemment, parce que, ah oui, parce que les auditeurs ne savent pas, j'ai la mâchoire déboîtée depuis un an. Ah ouais, ouais. Suite à un rendez-vous chez le dentiste. Qui a mal tourné, effectivement. Qui a très mal tourné. Voilà. Mais bon, voilà. Et donc j'ai le dentiste a voulu outrepasser ses fonctions. Ouais. Non, c'est-à-dire qu'il a voulu, il a demandé d'ouvrir la bouche trop grande. Trop longtemps et trop grand, ouais. Voilà. Pourtant, je. C'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Non, c'est la rade, mais... Ouais, toi-même, tu sais, vous êtes obsédés. Il y a Nigel qui est là. Maison, ça va, Nigel? Ouais, bien ou quoi? Mais ça va, mon pote, tranquille. Ouais, tranquille, ça se passe. Et ton examen, alors? Ouais, ça s'est très bien passé. Ah, t'as eu combien de doigts dans J'en ai mis 12, du coup. Ah, bah, formidable. T'as eu examen de quoi, exactement? Ouais, écrit en anglais. Examen d'écrit en anglais. Ouais. Ouais, c'était écrit. T'as parlé de politique, ouais, t'as parlé ouais. d'économie. C'était basé sur quoi? Bah, c'était basé sur juste un examen vocabulaire, grammaire, tout ça, quoi. Ah, c'est tout, d'accord. Ouais, c'est tout. À quel niveau là, genre quoi, là, c'était quoi, là je suis au niveau, mais eux en fait ils ont pas de niveau, tu vois. Genre ils te donnent un examen, ils savent même pas ce qu'ils donnent. Mais c'est quoi, c'est... Et Flo, comment ça va au cours? Parce que Nigel il a l'école et Flo il a les cours. Ça va les cours, Flo? Ouais, ça va nickel. Écoute, j'en viens. J'étais là ce matin. T'étais là au cours ce matin. Effectivement, tu m'as envoyé un message. Ouais, tu m'as appelé. Mais pourquoi tu m'as appelé? Mais je t'ai appelé parce qu'on avait une réunion sur les audiences et tout d'énergie. Je voulais que quelqu'un me fasse une retransmission live parce que moi j'étais en meeting le matin. Ah ouais, mais j'étais pas là non plus. Ouais, t'étais pas là. Ouais, bah c'est pour ça effectivement. Et d'ailleurs c'est formidable puisqu'on est numéro le soir. Alright. Et ça fait zizir, bien entendu, là. Flo, vous retrouvez demain à partir de 20h, n'est-ce pas, Flo? Mais oui, tout à fait. Ça va, t'as une tête toute tristounette, qu'est-ce qui t'est arrivé, là? Ah non, je suis juste un petit peu fatigué. Qu'est-ce que t'as fait de spécial pour être fatigué? Écoute, j'étais chez des potes, j'étais censé quitter à 23h, j'ai quitté à 5h. À 5h du matin, vous êtes toujours comme ça, genre de truc. Donc, hein. Du coup, un petit peu fatigué. Attends, tu verras quand t'animeras une émission complète avec nous. Ouais. C'est pas Vince 21h minuit sur Énergie, c'est ça, 21h et. Ouais. Genre hier, 1h. Exactement. Plus, on était horaires par cœur. Comment tu savais qu'on a terminé à 1h hier? Parce que je suis Vince Radio sur Instagram. Ah bah ouais, effectivement. Ouais. C'est là qu'on met toujours le côté de derrière. Bah, il y a Flo Radio aussi, hein. C'est bien Flo Radio, on est d'accord? Ouais, Flo.radio. Ah, il y a un point, t'as mis un point. Allez le suivre sur Instagram, c'est un gage sympa, c'est vraiment un chic type. C'est un brave gars. Non, non, franchement, il fait partie des mecs que je kiffe le plus, moi, dans le monde de la radio. Je te kiffe aussi. Je parle pas d'énergie, je pense que l'énergie, c'est les collègues, c'est la famille, mais je parle vraiment en général et tout. Flo, c'est vraiment un mec en or, il est super gentil. Ça me fait plaisir, vraiment. C'est bon, il y en a marre que vous sucez, allez, c'est parti. Vince, 21h sur Énergie. Très bien, c'est bon, on passe au notre petit Allemand de Nivelle, là. Ça va, Thibaut? Comment ça va? Mais ça va, alors, qu'est-ce qui se passe? Tu portes ta gilet jaune, là? Ah ouais, bah, je soutiens la cause à fond et je trouvais que ça allait bien avec mon teint, du coup. C'est vrai, ça te va bien, effectivement. On aurait peut-être dû mettre un gilet orange, ça va être encore mieux. Ouais, ça va, ça. T'as passé une bonne journée, toi, de ton côté? Ouais, tranquille, hein, tranquille. Eh ben, formidable. Ouais. Et à côté de toi, il est là aussi, c'est Eddy. Ça va, Eddy? Ben, ça va super bien, super bien. Ça zookait moins aujourd'hui? Ou qu'à bien zooker tous les jours, hein. Ah, bah, c'est super. Ouais. C'est lui qui décroche les appels au standard, les amis, qui s'occupe de vous contacter, de taper la causette avec vous, de rigoler également avec nous à l'antenne, bien sûr, Eddy et Thibaut. 0800 234 56. Et toi, Vince, comment ça va? Formidable. Je me suis endormi sur mon canapé là tout à l'heure. On a vu la photo sur ton Insta, magnifique. Et le petit m'a grimpé. Il essaie de grimper pendant une heure. Il essaie de grimper. À un moment donné, il m'empêchait de dormir. Donc je suis allé, c'est bon, viens. Oh, le chouchou. Et on s'est endormi l'un sur l'autre et tout ça. Magnifique photo. Jusqu'à ce que j'entende. Et j'ai merde, il est tombé. Non, c'était pas du tout ça. C'était la manette PlayStation qui était à mes pieds. Elle est tombée par derrière. Je te jure, ça m'a réveillé en sursaut. Je croyais que mon petit était tombé, tu vois. Il y a trop moyen avec toi. Ouais. Bon, j'ai ça va, il a le crâne solide là pour l'instant. Et ça, c'est cool. Bon, en tout cas, ça va très bien de mon côté, les amis. Topo de l'émission ce soir dans les dossiers, là, l'entourage qui refuse ton choix d'études ou de métier. Ah, ça, c'est galère. Quand je dis entourage, galère, c'est les parents. Souvent, j'ai reçu pas mal de messages d'auditeurs qui me disent, Vince, voilà, moi, j'ai terminé ma réto. Je voudrais absolument me lancer en électromécanique. Et tout ça, mais mes parents veulent pas. Les parents sont en mode non, voilà, toi tu dois faire un autre truc, électromécanique c'est pour les imbéciles, blablabla. Ce genre de phrase, tu sais, ça me fait toujours la peine d'entendre parce que je me dis, mais toi le parent, alors je suis pas en train de parler de tous les parents qui nous écoutent, hein, je parle en tout cas des personnes concernées par ce message-là. À un moment donné, quand vous devez aller au garage pour réparer votre caisse, que vous êtes en galère, etc., ou vous appelez vite l'assurance et un dépanneur arrive, bon, heureusement qu'il y a un mec qui a quand même fait de la mécanique là-dedans, tu vois. Donc, Après, tu peux être garagiste en faisant de l'électromécanique, mais ou être entrepreneur, avoir une boîte. Tu peux être entrepreneur dans tellement de domaines, bien sûr, exactement. Ouais, être mécanicien et gagner la blinde aussi. Et dis-moi, de ton côté, Nigel, est-ce que tu as des personnes dans ton entourage qui ont refusé un peu ou qui étaient un peu réticentes sur ce que tu fais dans, Ouais, actuellement, sur la radio. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, genre, ils étaient pas chauds au début. Hein. Ah bon? Et encore maintenant, ils sont pas chauds. Toujours pas chauds. Ouais, ils sont pas chauds. Déjà, ils me disent, ouais, on te voit jamais et en plus, t'es con. Ouais. Mais là, ils ont raison, par contre. Non, parce que c'est vrai, genre, ils me disent que je suis un connard et du coup, ils aiment pas que. Ah bon, comme ça, on te parle comme ça. Non, mais genre, ils me disent, ouais, toute la Belgique maintenant sait que t'es un gros connard. Ah ouais, parce que. Donc, tu nous tapes la honte parce qu'on découvre ton vrai caractère, c'est ça? En fait, c'est exactement ça. C'est comme moi, je leur dis, ouais, mais c'est de la radio. Enfin, j'essaye de masquer un peu, tu vois. Mais... non, ça passe pas. Ah on les salue. Je suis sûr qu'ils sont en train d'écouter. C'est possible. Ouais. Ce soir, on a également le Dragophone. Ne check pas ton snap et vous l'avez demandé. Et comme on dit en anglais, back by popular demand, à la demande générale, ça revient, les amis. C'est incroyable. C'est des gens qui nous ont connus avant parce qu'on faisait on fait la radio maintenant depuis le 27 août. Ceux qui nous connaissent depuis bien avant, on dit, mais Vin, c'est quand que Lara vous faites le TTFX? Le TTFX. En plus, on m'a relancé le nom. Et moi, tu sais, je suis là avec les auditeurs qui m'envoient. J'avais posé une question un jour, j'avais demandé mais qu'est-ce que vous voulez qu'on remette comme truc ou comme jeu pour les connaisseurs, ceux qui nous connaissaient avant et tout ça. Il y en a plein qui m'ont dit, ah ben le TTFX. Et moi je regarde, c'est quoi le TTFX? Non, sérieux. Je te jure, j'ai eu un moment genre, le TTFX c'était quoi ça encore? Parce que des jours on en a fait. Et ben Lara, ce soir, tu vas tester la fidélité d'un mec. Voilà, c'est de retour. C'est de retour. Je déteste cette séquence, tout le monde le j'ai sait. J'ai lancé ce jeu, je crois, il y a 8 ans. Oui, il y a 7, ça 8 ans. Ça s'appelle le test ton futur ex. Voilà, exactement. TTFX. Ouais, ce truc qu'on a lancé il y a 7-8 ans. Et ben voilà, il y en a quelques-uns qui l'ont redemandé, on va le relancer. Merci. Voilà, avec plaisir. On va faire ça, il faut aider les demoiselles. Hein. Mais enfin, bien en tout sûr. Cas, moi, c'est pour les demoiselles. Après, on verra, ce sera peut-être toi pour un mec qui veut tester la fidélité exactement. De sa meuf. Exactement, hein. Donc ce sera ce soir. Le check pas ton snap également. Le principe, c'est simple. On envoie une photo légèrement dénudée, mais pas trop non plus, mais en tout cas, une photo qui prête à charmer quelqu'un. C'est à un auditeur ou une auditrice qui l'envoie à son mec ou à sa petite copine et qui écrit le prénom de son ex dedans, mais pas le prénom de sa copine. Ouais. Et après, on l'appelle en direct en disant, écoute, check pas ton snap ou ton Insta ou ton Messenger ou tes textos et on voit de quoi il en retourne. Et on a Marco qui est là. Salut Marco. Marco est dans la maison. Oh my gosh. Ça va Marco? Bah ouais, toi? Ça va mon pote. Toi, c'est quoi le métier que tu voudrais faire et que tes parents veulent pas et après on en débat? Bûcheron. Oh putain, c'est bûcheron, c'est original à mort ça. C'est bûcheron. Génial. Grave. Ah putain, mais je comprends ses parents. Pourquoi j'ai pensé à la chemise à carreaux? Je sais pas pourquoi. Parce ça que tu vas voir le bûcheron sexy. Ah là là. Moi je pense à la petite plume qu'on voit, tu vois, genre ton petit. Bah oui, bien oui. De toute façon, on est en pleine période, hein. Bûche de Noël. Bon, bien sûr, si vous voulez des meilleures blagues, proposez-moi sur WhatsApp. On arrive, 0800 235 6, c'est standard. Et puis le numéro WhatsApp 0492 222 002. On est là dans quelques secondes. Vince est dans la maison. Je lis tous vos messages sur WhatsApp tout de suite. Voici The Prince Karma avec Letter Bitches. This is complete and total bullshit. I show you my so you let me in. Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Direct avec Vince sur Énergie avec WhatsApp. Diego est dans la maison sur Énergie. Tarek est dans la maison. Jocelyne est dans la maison. 04 92 222 002. 04 92 222 002. Exactement, et vous aussi, vous êtes dans la maison ce soir. Woohoo sur Énergie. J'espère que ça se passe 21h13. On est là pour passer une bonne émission ensemble. Test ton futur avec C'est Nouveau, ça débarque ce soir sur Énergie. Yeah enfin, c'est nouveau, voilà, je fais ça il y a des années, puisque je suis. Ça fait combien d'années que je fais de la radio là? Je sais plus. 10 ans, je dirais. 10 ans. Ça m'a foutu un petit coup de vieux. 10 ans déjà. Oh mon sang, j'ai commencé. Un coup de vieux. J'ai commencé la radio à l'époque où Nikola Tesla et Graham Bell avec l'électricité. C'était tellement bien. Tu te fous de moi? Non, c'est maintenant que tu commences à vraiment travailler. Ouais, c'est vrai, effectivement. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Non, mais si, mais t'as totalement raison, non, putain, c'est mon premier salaire, mesdames et messieurs. Ouais, ouais. Merci, Énergie. Grâce à vous, le bénévolat est terminé. 10 ans de bénévolat, c'était dur. Quand t'as les huissiers qui toquent à la porte, quand t'as les factures qui arrivent, tu dis bon, bah, il serait temps que je fasse ce métier pour gagner de l'argent. Incroyable. C'est comme le vin, quoi. Voilà, avec le temps, ça se bonifie. Évidemment. On est bien d'accord. Bon, ça y est, le WhatsApp est connecté. Salut à Antoine61 qui nous dit énergie pendant que je roule, c'est génial. Ouais, il joue un jeu vidéo avec les volants, là, vous savez. Ah oui. Il y a Richard qui est dans la maison aussi. Ça dit quoi, Richard? Richard est dans la maison. Énergie. Merci. Il y a Maxi Troll qui est là aussi ce soir. Il y a Leslie à qui on fait un gros coucou. Il y a Léa qui est dans la maison, là, nouvelle auditrice. Il y a Raph aussi, là. Salut Raph, comment ça se passe? Ce soir, on est tous dans la maison. Bonsoir. Il y a Kylian également. Vince est dans la maison. On a un Nudji. Et merci à Ralph. Merci à Manon aussi qui est connecté. Il y a Michel qui nous a un petit message. Bonsoir l'équipe. Michel est dans la maison. Eh, vous êtes nombreux ce soir, c'est un truc de ouf. Hein. Marine, en route pour vous écouter sur le chemin du boulot. Bon courage pour le taf. Il y a Loïc, il y a Julien. Les fidèles sont là. Anil, toujours là. C'est un truc de dingue, lui. Anil, comment il est connecté. Nigel, il est où ton charisme de la part de Cédric? Dans ta tête. Coucou la team, comment allez-vous? Ça fait du bien de vous entendre. Merci Philou pour ce message. Yep, la team, vous êtes dans la maison, vous êtes géniaux, merci. Sur Énergie. pour votre énergie. Big up. Bah, c'est fini avec ce spam là d'énergie. Non. Nadia qui m'a envoyé ce message. Vince, moi j'ai une néerlandais et demain je vais avoir Matt. Bon courage Charlie pour les examens. Titi dans la maison avec trois doigts dans la bouche de Lara. Il n'y a que le docteur Marachi qui peut. Mais peut-être qu'il est docteur. Hein. Talia dans la maison et demain j'ai un examen de maths et je finis à 10h. Bon courage tous ceux qui sont en examen là et ceux qui sont en blocus aussi. Ou dites-vous que dans cette émission il y en a qui vivent la même chose. Hein. Ouais, c'est Eddie vrai. Il a son TFE et Nigel, bah, lui il a ses examens aussi. Non mais Eddie il a reporté son TFE. Ah tu l'as reporté à la fin de l'année toi ton TFE, Eddie. Tiens. Ouais, mais du coup j'ai été obligé de le faire. Ouais. D'accord, ok. Parce que Bella il me restait plus assez de temps pour pouvoir le bah, préparer. Tu passes plus de temps avec nous alors c'est bien. Inch'Allah. Il va bien également là. Chocolat. Merci, va bien. Vince trop fort, TTFX, je m'en souviens grave. Gamzou qui est connecté aussi, il y a Salouma. Et si vous n'avez jamais, mesdames et messieurs, envoyé de message à la radio, voici le numéro de téléphone, n'est-ce pas Richard? C'est quoi le numéro? 0492 222 002. Pour le principe, vous ajoutez le numéro à vos contacts. Dès qu'il a ajouté, vous écrivez Vince, vous mettez Vince dans vos contacts, etc. Et puis après, vous allez sur WhatsApp, l'application, vous me recherchez. Et puis là, vous pouvez m'envoyer un message, une photo, une vidéo, une note vocale, c'est comme vous voulez, vraiment, vous pouvez fonctionner de plein de manières. Il y a une petite musique, un petit dire, vous avez envie d'envoyer un lien YouTube, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Envoyez des nudes surtout. Et ça, vous ne les envoyez pas, moi merci. Et enfin, je vous demande surtout pas de le faire, des nudes en tout cas. Je ne vais pas faire le rabat-joie, mais putain, faites pas ça les gars. Il y a des auditrices, elles m'envoient des nudes à cause de toi, Nigel. Hein. Non, mais vous avez. Non, mais sérieusement, croyez pas qu'il n'est pas content, envoyez ça. Non, j'ai une femme à la maison. J'ai une femme à la maison, et ma fille, elle utilise le téléphone WhatsApp parce qu'il y a 2-3 jeux dedans. Mais toi aussi, Je passe le téléphone WhatsApp, mais elle va pas dans le WhatsApp, elle va juste dans ses petites applications, etc. De temps en temps. Non, je vais pas lui acheter un téléphone, elle a 5 ans, toi aussi. Bah, alors, ne lui donne pas ce téléphone-là. Bah, oui, il y a le cul de Damien et mais tout. Mais le mien, il y a le cul de sa mère, donc. Ah bon sang. Bon, allez, on récupère Marco dans le standard. Allô, Marco. Et oui, ma fille, tu viens de là. Bon, Oh du cul. Ça va, ça... Bah allez, on se calme. Ça va Marco, toujours mon pote, tranquille? Bah ouais. Marco, avec toi, on parle de l'entourage là, qui refuse le choix d'études, le choix du métier parfois qu'on a envie de faire. L'entourage, ça peut être ta grand-mère qui dit « Mais non, on va faire d'autres conneries, arrête de faire ça » ou tes parents. Alors c'est drôle parce que moi, la radio, ma mère y a cru au début, elle m'a dit « Vas-y ». Sauf que quand elle a remarqué que je gagnais pas d'argent, parce qu'au début, quand tu commences un métier, surtout la radio, c'est par passion, ouais, c'est vrai. Tu gagnes pas d'argent. Ben là, à ce moment-là, ma mère n'y croyait plus trop, tu vois. Ah ouais. Non mais c'est classique. Vrai, c'est compliqué. Voilà. Mon père, jusqu'à son dernier souffle, il m'a dit « Va faire un vieux métier, un vrai métier !» Un vieux métier, tu vois. Va te dire une pute, allez. Non, il me disait, va faire un vrai métier. Mais je sais que c'était mon plus grand auditeur. Donc, vous savez, vos parents, ils peuvent être les personnes qui vont toujours être non, fais pas ça. Mais au final, quand vous foncez pour vos trucs et vous êtes content de le faire, il y a toujours ce soutien qui finit par arriver. Tu vois, mais ce après, côté, ils vont se vanter chez leurs potes. Ouais, genre, t'as vu mon fils, champion des bûcherons. D'ailleurs, toi, tu veux être bûcheron, Marco? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'être bûcheron? Ça, c'est vraiment de la merde. Mon père faisait ça et quand j'étais petit, j'ai détesté avec lui et ça m'a toujours plu. Bûcheron à la hache ou bûcheron avec la tronçonneuse, quoi, la scie et tout? Bah ouais, un peu les deux. Toutes les techniques. Et donc ton père est bûcheron? Ouais. Et pourquoi il est contre alors? On est bûcheron de père en fils. Ouais. Et pourquoi il veut pas, ouais? Bah c'est pas mon père qui veut pas, c'est ma mère. Ah, alors c'est peut-être une autre raison, éventuellement. Parce qu'elle sait que c'est un métier de merde. Non, c'est pas un métier de merde. Mais non, peut-être mais tu vaux mieux que ton père. Allez. Non, mais genre, ça lui rappelle peut-être, je sais pas s'ils se sont séparés ou je sais pas trop, mais... Ça lui rappelle quand sa belle-mère est morte écrasée sous un tronc d'arbre. Non, mais ça peut avoir une raison plus intime, tu vois. Ah, c'est possible, ouais, effectivement. Bon, maintenant, c'est quoi les arguments de ta mère, Marco? Bah genre déjà elle dit qu'il y a trop de risques parce qu'une fois mon père il s'était blessé avec une tronçonneuse et bah du coup elle dit qu'il y a trop de risques et tout ça. Donc elle a peur que tu te blesses. Ils sont toujours ensemble ses parents je crois, oui. Oui, mais l'argument ne tient pas. Elle a peur que tu te blesses en fait. Ouais, voilà. Ouais, mais bon. Tu peux te blesser dans tout. Enfin, je veux dire. Ouais. Deviens pas flic, deviens pas pompier, tu vois. Non, mais juste même sors pas de chez toi, frérot. C'est ça. Ouais. Même chez toi, reste juste dans ton lit. Salut Yannick, qui nous écoute. Il travaille à la BAC, police. Police française. Ouais, les policiers, tu sais, les voitures noires, là. Ah les ouais voitures, tu grilles pas et qui te grillent quand tu fais des conneries. Les bacs. Ouais. Voilà. Bac à sable. Voilà, exactement. Ouais. Il nous écoute, là. Il nous envoie un petit message. Ils me connaissent, big up de Nigel. Marco, t'as quel âge, toi, là, maintenant? 12 ans. Bah 12 ans, si toi tu l'as au fond de ton cœur et que tu te dis, bah voilà, moi c'est sûr que j'ai envie de faire ça, ton père il te soutient dans ce projet, on est d'accord? Ouais. Eh ben, voilà. Bah, déjà, attends, parce que là, t'as 12 ans, t'as envie de faire ça. Ouais, mais ça part déjà mal. Non, mais attends, pourquoi pas ? Si à 12 ans, tu veux déjà faire un métier de merde comme ça, mais c'est pas un métier de merde. C'est un métier de merde. Mais toi aussi, arrête. Allez, c'est bon, les gars. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Eh, comment on fait pour imprimer ça ? Hein ? Grâce à son baron. Comment on fait maintenant pour polluer ? Parce qu'il faut bien déforer, il faut faire la déforestation. On a besoin de bûcherons. Mais ça va pas. C'était le gars qui est con. Non, mais franchement, c'est un métier proche de la nature. Mais après, c'est une envie que t'as là. Je pense que c'est. L'entretien, tout ça. De toute façon, tu peux aider tes parents ou faire des stages ou des trucs ou n'importe où tu peux explorer ce métier-là. Mais voilà, prends ton temps. Tu verras après ce que tu auras envie de faire à 18 ans. En tout cas, Marco, mon pote, prends le temps, mais garde toujours un œil sur le. Comment on appelle ça, le métier de bûcheron, le bûcheronat ? C'est genre. C'est quoi ce métier de merde ? Arrête d'être jaloux, putain, il est ouf lui. Un bûcheronneur. C'est intéressant. Marco, en tout cas, on t'encourage à y aller à fond, mon pote. Si toi, tu as vraiment ça dans ton cœur et que ça continue avec les années, bah, ta mère sera obligée d'accepter. C'est pas elle qui va aller postuler pour ton emploi, tu vois ce que je veux dire ? Il faut faire ce qu'on aime dans la vie. C'est pas elle à gérer ma vie, quoi. Voilà. On est d'accord. Merci. Allez, en tout cas, Marco, vas-y à fond. Et un de ces quatre, si jamais vous devez faire un truc avec ton papa, là, moi, je voudrais bien venir voir ça. Ça m'intéresserait de voir. C'est super intéressant. Je vois des mecs qui font ça parfois dans des bois et tout. Et c'est super chaud d'être bûcheron parce qu'il faut avoir des notions, pas d'alpinisme. Mais en tout cas, tu sais, il y a des notions de sécurité de ouf. Il y a de la physique, ça, c'est sûr. Mais surtout, quand il faut avoir des couilles parfois quand tu dois pas péter un arbre. Des élagueurs. Oui, parce que attention, on parle de bûcheron. Si le terme élagueur, effectivement, où tu dois couper des racines, couper des branches. Et que tu as monté parfois super haut dans un arbre, c'est flippant à mort. C'est canon. Mais c'est chouette. Les gens qui font ça, ils sont toujours hyper sexy, on ne sait pas pourquoi. Les élagueurs, ils sont toujours méga sexy. T'es là, waouh! Ils tuent des milliers d'écureuils. Oh non! Ouais, voilà. Ah, les bûcherons, c'est un beau métier. Ah, hein, les clichés. Élagueurs grimpeurs, on nous a envoyé là, mais vraiment, c'est ça, Tib. Ah, c'est ça, c'est parce que c'est des grimpeurs. Un gros bisou, Marco. Hein. Bah ouais. À bientôt, mon pote. Allez, au revoir. Et bisous à ta mère et à bisous à ton papa. Ça va? Vas-y. Ciao mon pote, bye bye, que tout se passe bien. Yo, au revoir. On a Roxane qui est là, salut Roxane. Roxane est dans la maison. Elle a pas compris. Ça va Roxane? Ça va. Oui, t'es en voiture là Roxane? Ouais, exactement. T'as quitté où? Tu vas où là? Je rentre à la maison. Et je rentre à ma maison. Eh ben formidable. On va parler avec toi Roxane, parce que toi, il y a un métier que tu voulais faire et dans ton entourage, les gens étaient pas d'accord, c'est ça? Exactement. Alors, mets-toi sur le côté. On t'entend pas du tout, Roxane. On va prendre juste le temps de passer à Alice on the Roof avec T'as quitté la planète. Parce que là, pour l'instant, t'as quitté le réseau. Donc, on se charge de reconnecter ça dans quelques instants. Les amis, dites-nous quel est le métier que vous voulez absolument faire là. 0492 222 002 sur WhatsApp, on arrive. Tout cru. Si tu flanches à la vue d'un bout de tissu, si à mater mon cul, tu perds la raison. Revoyons du début quand je dis non, c'est non. Oublie-moi et bye bye, tes mains déplacées. Bye bye, je n'en veux pas. Bye bye, ton air affamé. Regarde-toi, non, mais t'as quitté. Peut-être que t'avais tous les droits. T'as quitté la planète, gâché la fête, car mon cœur est en moi. C'est comme ça qu'on va traiter ta sœur, ta sœur et ta fille, ta fille et ta mère, ta mère. Toutes celles qui sont les sœurs. Les filles sont les mères. Les et toi t'es qui? mots d'amour. Vince, 21h minuit sur Énergie. Rejoignez Vince sur Insta, Snap et Twitter. Vince Radio. Vince Radio. Et bombardez-le de messages non-stop. Il trouve ça relou, mais nous, on trouve ça drôle. 21h26, bienvenue tout le monde, Vince dans la maison là, avec vous là, que vous soyez du côté de Marchand-Famène, peut-être du côté de Charleroi, Luxembourg nous écoute tellement en masse là, et on a la chanson de Luxembourg hein. Hey. Pour Luxembourg tous ensemble, hey, just give the money. Pourquoi est-ce que quelqu'un a dit just give the money et l'autre a dit just be the money? Hein? C'est must be the money. C'est must be the money. Hein. Ah, moi j'ai dit donne-moi l'argent, just give the money. Ah, okay. Ça marche aussi. Ouais. Et salutations à Charleroi. Mais j'ai grandi à Charleroi. Salutations à la Flandre. Bisous à tout le monde. Il y a même Namur qui l'a tourné. Qui m'envoie Marchand Famène en force. Bienvenue à Germain à nouveau là. Il a commencé à nous envoyer des messages hier là. Salut Vin, je t'écoute sans que mes parents le sachent et je voulais juste vous dire que je vous écoute, je vous adore, ça fait un mois que je vous écoute et maintenant je n'arrive plus à m'arrêter, je vous adore. Oh merci pour ce message. Alors vous n'avez pas idée à quel point ça fait plaisir de lire des trucs pareils, tu sais, un petit message comme ça en disant ouais on écoute dans cachette, t'sais, parce que tu prends des risques. Ouais, c'est t'es vrai. Là, tu te caches dans sous ta couette et tout, tu veux pas qu'on te grille. On a tous fait ça un jour. Je suis étonné qu'ils le font encore, vraiment ça me fait plaisir. Vince, moi j'aurais voulu être avocat. Nathaniel qui m'a écrit ce message, petit message de Raph là. Alors il est quoi à la place? Je ne sais pas. Les gars, quelle est la différence entre un rappeur et un campeur? Le rappeur il nique ta mère et le campeur il monte ta tente. Elle est jolie. Malmédi est connecté ce soir là. Vince, trop fort, je t'écoute depuis BX Bruxelles. Coucou Vince, est-ce que c'est le bon numéro? Oui, le numéro que t'as envoyé est correct. 0492 222 002. Vince est dans la maison tous les jours pour partir travailler. Bonne soirée. Bonne soirée à toi sur la route. Est-ce que Roxane nous entend mieux? Allô Roxane? Ouais. Ouais, Roxane est dans la maison. Bon, Roxane, c'était quoi le métier que t'as voulu faire là? Parce que c'est ce qu'on parle là. Le métier qu'on veut absolument faire, le choix d'études, mais l'entourage, bah, il n'est pas trop d'accord, les parents, parfois. Je voulais être carrossier. Ah ouais! Génial! Ouais. Carrossier, donc tu voulais le faire et ouais. Quand tu parlais au passé, et tu me fais un peu peur. Non, je l'ai fait. Bravo! T'as fait quoi? Je suis diplômé, on passe à carrossier. Ah ouais! Eh, mais c'est du lourd ça. Et alors, c'est qui voulait pas dans ta famille? Bah, mes parents. Ah, les deux carrément. Ils voulaient que tu fasses quoi? Les langues. Ah. Ok, d'accord, oui. Bah, je n'étais pas du tout concentrée là-dessus. Je voulais absolument faire la carrosserie. Et à la base, c'était la mécanique. Carrément la mécanique. Et t'as fait la mécanique. T'as fait la mécanique par la suite ou même pas? Pardon? T'as fait la mécanique par la suite ou pas? Non, j'ai fait que carrosserie. Non mais tranquille, c'est génial. Et déjà tu kiffes ton job? Pardon? Tu kiffes ta vie de carrossier? Je sais pas si on peut dire ça, mais... Mais je ne pratique plus hein. Ah. Et là, je ne pratique plus. Ça c'est quand tu te fais trop démonter. Arrête, putain. Et tu fais quoi là entre temps, Roxane? Secrétaire. Et si jamais t'avais l'occasion de retourner en carrosserie, tu le ferais ou pas? Je le ferais, ouais. Sans hésiter. Sans hésiter. T'as pas envie de lancer ta boîte? Ben j'aurais aimé, oui. Mais le problème, c'est que il y a des choses qui ont fait que je ne peux plus pratiquer. Donc voilà. Mais tu pourrais être secrétaire dans une boîte de carrosserie. Ouais, du coup, tu te fais démonter deux fois plus. Ah, ouais. Non, pas du tout, parce que j'ai quand même du répondant, donc je ne me ferai pas démonter, mais. J'y ai pensé être secrétaire dans une boîte de carrosserie. Le problème, c'est que ça me fait un peu de peine parce que je préfère pratiquer dedans. Ouais, tu préfères être en manuel, quoi. Je préfère être dedans. Mais Roxane, admettons, si maintenant tu avais l'opportunité, est-ce que tu irais là tout de suite ou alors vraiment il y a un problème qui fait que tu ne peux plus du tout pratiquer? Je suis asthmatique chronique, donc je ne peux plus du tout pratiquer. Moi, non, sérieux. Ah, ouais, c'est ça. Attends, mais en étant asthmatique, c'est quoi le problème avec la carrosserie du coup? Ouais, mais un masque. L'inhalation des produits. Mais tu mets un masque. Et ah ouais, ça passe quand même. Ça change rien, même si t'as un masque. Non. Oh non, mais putain, mais c'est ta passion, merde, Roxane, il y a bien des solutions. Bah, j'ai essayé, mais il n'y en a aucune, malheureusement. Et donc, c'est le secrétariat. C'est ton médecin qui t'a dit impossible de refaire ça, quoi. Exactement. Et tu irais pas voir une femme? Pour voir si éventuellement elle a un autre avis. Non, ouais, mais attends, c'est étonnant parce que je pensais que les masques ça permettait de retenir des particules quand oui, même. C'est ce que les Asiates font. Pas toujours. Oh, mais attends, mais c'est chiant quand c'est ta passion, quand c'est ta life. Moi, tu sais, je vivrais trop mal. Admettons, un jour, j'ai un accident et je perds ma voix. Ou j'ai ma voix qui change, tu vois. Non, c'est horrible. Non, mais t'imagines, mon métier est galère, quoi. Salut, Vince, tu vas bien ou quoi? J'ai galéré aussi. Ben voilà, il faut se faire à l'idée, quoi. Et j'aime beaucoup mon métier aussi. Je travaille avec des jeunes, donc ça me plaît beaucoup. C'est chouette. Oh, t'es une petite cougar. Et je me pose la question, Roxane, c'est ta passion. Est-ce que tu lancerais pas ton petit garage à toi? Et alors, du coup, employer des personnes. Ça lui fait trop mal au cœur, elle dit. Mais oui, mais en tout cas, c'est toujours elle peut montrer de temps en temps. L'idée, c'est de pas d'être constamment sous les produits. Mais rester dans le domaine, en fait. Tu peux rester dans le domaine. Je veux vraiment être le manuel, travailler dans le manuel. Je veux pas faire les papiers ou gérer, je veux vraiment faire le manuel. Oh là là. Mais pourtant, là, tu es secrétaire. Ouais, mais c'est la même chose, c'est pas le même manuel. Oui, non, mais je veux dire, c'est-à-dire que tu fais plus du secrétariat, des papiers, etc., mais dans un autre domaine, c'est-à-dire que tu pourrais faire la même chose. Ouais, mais j'ai pas la tête pour faire monter une boîte ou le courage assez ou peut-être le manque de confiance. Ouais, ou tout simplement, t'as pas envie, tu sais, C'est pas que j'ai pas envie, c'est que c'est un manque de confiance et j'ai un peu peur de couler, quoi. Mais est-ce que t'as eu des belles années dans la carrosserie belle. Donc, t'as le sentiment d'avoir fait le bon choix, même si tes parents voulaient pas? Exactement. Écoute, c'est top. Bah voilà, t'as pratiqué le truc que tu kiffes. Mais maintenant, je suis sûr qu'il y a il doit y avoir une solution, tu vois. Ah bah, c'est sûr. J'essaye, je cherche, mais il y a les problèmes de peau, il y a les problèmes de respiration. Donc, de peau aussi, maintenant. Ah ouais, putain, ouais. On a un message là, qui vient d'arriver dans le standard, là. Vince, dans le WhatsApp. Fais une dédicace pour moi, frangin. Ah, mais je pensais que c'était en rapport avec le sujet. Ton dédicace arrive après. Incroyable. Là. André Bruno qui nous dit j'aurais aimé être bibliothécaire et finalement, je suis facteur. C'est ce que nous est envoyé. Quel est le métier que vous auriez voulu faire, les amis, que finalement vous faites ou vous faites pas? Venez nous dire quoi, là. 0492-222-002. Roxane reste avec nous, on va accueillir Max aussi. On arrive tout de suite sur Energy, welcome. Le soir, du lundi au vendredi, dès 21h, Vince est sur Energy. Bienvenue sur Energy, Dragophone à suivre, check pas ton snap et teste ton futur ex. Energy et David Guetta vous offrent votre soirée du 31 décembre grâce à la phrase Energy. Salut la Belgique, c'est David Guetta. Écoutez Énergie et je vous offre votre soirée du nouvel an. Son, lumière et déco, on s'occupe de tout. Prévoyez des potes, ça va être une soirée de dingue avec Énergie. Pour jouer, inscrivez-vous vite sur énergie.be et l'appli Énergie Belgique. Si on vous appelle en direct, répétez la phrase Énergie. Toutes mes stars musicales préférées sont dans ma playlist Énergie. Énergie. It's music only. I always say what I'm feeling. I was born without a zip on my mouth. Sometimes I don't even mean it. It takes a little while to figure me out. I like my coffee with two sugars in it. High heels and my jewelry dripping. Drinking, I get all fired up. Hey, hey, hey. Insecure, but I'm working with it. Many things that I could get rid of. Ain't nobody give it up. I made a few mistakes, I regret it nightly. I broke a couple hearts and I wear on my sleeve. My mama always said, girl, you're troubling. And now I wonder, could you fall for a woman like me? And every time we touch, boy, you make me feel weak. I can tell you're shy and I think you're so sweet. Spending every night under covers and still I wonder, could you fall for a woman like me? Woman like me, like a woman like me. La la la, woman like me, like a woman like me. Woman like me, yes, a woman like me. As I brush up on them, I can tell he like me. You know all them on them, my try to swipe me. Knotted up, he could afford to ice me. Tell him that's a bad trendy picture, now you're area. But the more bad bitches, then the more merrier. Baddies to my left and to the right, a little scarier. Dude, boy, tell me, can you handle all this dairy? A million, I'm getting my billion. Greatest of all time, cause I'm a chameleon. I switch it up for every era, I'm really bomb. These bitches really wanna be Nicki, I'm really mom. Apple cut the check, I want all this money. 7 Up, go grip the tech, and leave all this bloody. It's the queen and little mix, skated on, I'm sorry. My daddy is Indian, all is curry. Woman like me, like a woman like me. La la la, woman like me. Young money. Vince. Tous les soirs de 21h à En fait, on ne sait pas trop, mais on sait qu'ils sont là. Bah bien sûr qu'on est là, t'as cru quoi, Richard? Allez, non mais, 21h36, ça se passe bien tout le monde. Ouais, on est là, on est posé là. Coucou à Maddy. Alors, un petit message qui est arrivé pour la première fois. Vince, on est dans la maison, ça fait un petit moment qu'on vous écoute, et c'est à se faire pipi dessus. Bisous, Biquette. Bah tant mieux si vous rigolez, ça fait plaisir là. Maddy et Kimi qui ont envoyé ce message pour la première fois à la radio. Vince, je croyais que tu répondais au message. Bon, tant pis, mais si, mais attends, parce qu'il y en a beaucoup. Salut Vince, je t'écoute sans que mes parents le sachent, mais j'avais lu ce message en plus. S'il te plaît, est-ce que tu peux me répondre avec une photo de vous, s'il te plaît? Alors, je viens de te répondre à l'antenne. Voilà, hop là. Et parce que parfois, je vous écris aussi. Hein. Non, mais par contre, si tu veux une photo de nous, va sur notre Instagram. C'est tout simple. Nigel Sanchez _. Et screenshot. Non, on va t'envoyer un truc avec ton nom quand même. Il y a Chloé qui m'avait demandé aussi. On a noté Chloé. Ouais, je l'ai. Ah, super. Moi, quand je voulais être en fait agent de police. Et voilà, aujourd'hui j'ai la chance de côtoyer tous les jours des agents de police, mais au cachot quoi. C'est tout. Sûr. Ryan qui me dit vétérinaire, mais je suis une merde en science. Bah, tu sais, je pense que important, ça faut pas te dire déjà que t'es une merde de base. Hein. Ça s'apprend. Il faut pas se dire ça. C'est comme genre, ah, je suis trop une merde en maths, c'est pas vrai. Ça c'est, existe pas ça. C'est-à-dire, tu te programmes toi-même à dire déjà, à penser des choses comme ça, ne vous dites jamais vous êtes une merde en quelque chose. Plutôt, si vous avez pas compris, c'est que soit vous avez pas écouté, soit ça a été mal expliqué. Voilà, exactement. Ça c'est bien vrai ça. Mika, il nous dit quoi? On change de domaine, qu'elle aille dans la mécanique. On n'a pas tous les mêmes produits, on n'a pas les produits des produits irritants ni tout ça. Mais c'est intéressant ça, Roxane, t'as entendu le message? Ouais. Ah bah si tu te lances en mécanique, il n'y a pas tous ces produits, qu'est-ce que t'en penses, toi qui as envie d'aller en mécanique? Parce que c'est un peu la suite logique, tu m'as dit toi-même, carrosserie, ok, je voulais faire de la mécanique. Mais si tu maintenant t'allais à ton deuxième rêve en fait? Je dois reprendre des études du coup. Et Roxane, allez, une formation ça prend un ou deux ans quoi. Mais franchement, fais-le. Ah, fais-le vraiment. T'en penses quoi? J'ai 30 ans, je suis maman donc. Mais c'est pas grave. Mais y a ça. Pas, y a, t'es au début de ta vie. Alors attention. Je voudrais, si je peux me permettre, Roxane, vraiment casser une idée reçue. Il n'y a pas d'âge pour aller à l'école. Il n'y a pas d'âge pour faire les formations. Il n'y a pas d'âge pour étudier. J'ai vraiment. Des amis qui retournent à l'école, ils ont 60 ans. Hein. Ouais, c'est ça. Ils sont sur les bancs de l'UNIF. Hein. Moi, je connais une femme, elle est assistante sociale. Elle a, je pense, 45 ans. Et là, elle a repris des études il y a genre 5 ans pour être thérapeute familiale. Il faut pas. Et là, elle vient de terminer son cycle. Elle a fait son master en 5 ans. Il faut jamais dire c'est plus, fini. Elle hein. a 30 ans, Roxane. C'est ça, 30 ans, c'est le début. Quoi. 30 ans, c'est rien. Hey, Roxane, tu connais la phrase qui est 30 is the new 20, comme disent les Quinri? Oui. Ça veut dire que 30, c'est le nouveau 20. À l'époque, on rentrait dans la vie active à 20 ans. Il y a 50 ans de ça. Si, 20 si, ans, Google c'est traduction. Voilà, si, non, mais il faut expliquer la raison de ce truc-là. Ouais, c'est-à-dire qu'à une époque, l'époque de nos parents, peut-être, 20 ans, c'est l'âge où tu allais bosser, c'est l'âge où tu te mariais. C'est l'âge, 4 enfants, c'est l'âge où tu allais. Maintenant, voilà, où tu avais des enfants et tout. Là, maintenant, c'est devenu 30 ans. En même temps, on vit plus longtemps. Ouais. Et 30 ans, c'est vraiment le moment où ta vie démarre. C'est là où tu quittes réellement ton foyer de tes parents. Tu sais, avant, tout le monde, il y avait le film Tanguy qui est sorti dans les années 90, là. Au début 2000, je sais plus, la dédicace il à Tanguy d'énergie. Ou Tanguy, il a 28 ans. Ah ouais. 27 ans, il est chez ses parents et c'est trop la honte. Ouais. Et alors tout le monde disait à l'époque, ouais, t'es trop un Tanguy, mais maintenant être chez ses parents jusqu'à 29 ans, c'est normal, tu vois, c'est limite devenu le jus. Sérieux? Et il a blindé, hein. Il y en a beaucoup plus qu'avant, hein, et tout ça. Donc, en tout cas, maintenant, ça la hesse. Roxane, franchement, ma chérie, fonce, va te lancer dans des études pour la carrosserie. N'hésite même pas, et je suis sûr d'un truc, hein, c'est qu'il y a des personnes qui vont certainement pouvoir t'engager. Rien qu'ici, j'ai des gens qui me disent, si jamais elle veut bosser, elle peut bosser chez moi dans mon garage en carrosserie, mais c'est énorme. Allez, carrosserie Roxane. Déjà, ça c'est plus possible pour elle, mais en mécanique, Roxane, il faut le faire. Mais je vais le faire. Ouais. Oh là là là. Le 12 du 12 18. Hey, on note ça aujourd'hui. On note ce moment de passage. Est-ce qu'on peut le noter ce passage dans l'émission? Ouais, on va le noter. Roxane, je te l'envoie. Je te l'envoie par mail. Je te l'envoie sur WhatsApp. Notre passage antenne. Ce que tu as dit devant toute la Belgique là. C'est génial, merci. Avec d'ailleurs, plaisir. Merci à vous de me motiver. Mais on est là pour ça. Et tes études vont être financées par Vince et Energy. Ouais. Même mollo quand même. Hein. Enfin ça va, c'est pas des études de médecine. Ouais. Pas compris. Ouais. Ça coûte moins cher. Calvin Harris avec Promises, on te fait un bisou Roxane, merci à toi. Hein. Un bisou à toute l'équipe aussi. Ah, ouais. Au revoir et bon courage. Il faut y croire jusqu'au bout. Il y a pas d'âge pour que ça s'arrête. Il y a même pas d'âge, ça s'arrête jamais en fait. Carrosse hier, mais qu'il y en a demain. Exactement. Calvin Harris, Stan Smith, Promises. Gros dédicace à Sébastien, mon meilleur ami. Message passé, Hugo. Vinch, encore à l'université à 27 ans. Si t'as envie, faut foncer. Et qu'on a une seule. Et on a se dire qu'on a une seule vie, c'est vrai ça. Merci pour ton message. Bienvenue sur NRJ. Let's go. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything tonight. Tonight. Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm giving out energy, taking control. I'm speeding up, my heartbeat's dancing along. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything tonight. S'il y a bien un mec qui est disponible H24 pour t'aider, Vince. 21h minuit, du lundi au vendredi, Vince sur Énergie. Ouais, Nigel, il faut capter que je monte le micro aussi. Ah, mais il était allumé. Bah, je l'ai allumé. Ouais. Bonsoir. Bienvenue, là, les amis, tranquille. Ouais, on a reçu enfin un nouveau jeu. Et on a plein de nouveaux jeux. Hein. Je sais pas si on les a marqués, je sais pas ce qui se passe là. On aime. On y jouera demain un nouveau jeu qui s'appelle le jus du cul. Voilà. Le jus du cul. Comme si c'était écrit en japonais, quoi. J-U-D-U-K-U. C'est des gars sur Insta, ils ont liké un de mes trucs. Moi, j'ai liké chez eux et tout. Ils me disent, ouais, tu veux qu'on t'envoie un jus du cul? Moi, je fais, c'est quoi votre connerie là? Et ils nous ont envoyé, ça a mis un mois pour arriver. Et ça y est, on a le jus du cul. Et on va se faire ces petits jeux là. Si vous êtes sage, on le fait en fin d'émission. Allez, on essaye. Vous voulez, ce soir en fin d'émission, tout de suite. Oui, évidemment. Et ben ça va, très bien. Ce soir en fin d'émission, le jus du cul, des nouveaux jeux. On a pas mal de nouveaux trucs. Hein. Le test futur X, c'est ce qui va débarquer dans pas très longtemps là sur Énergie. Il y a Migoui qui est connecté ce soir là. Migoui, ça dit quoi? Vince, moi quand j'avais 12 ans, je voulais être routier. Mais mon père m'a dit, écoute, si tu perds ton permis, t'as plus de métier. Fais plutôt mécanicien poids lourd, t'aimes bien les camions. Alors maintenant j'ai fait mécanicien poids lourd de 15 à 18 ans. Et maintenant je suis routier, ça va faire 15 ans maintenant. Merci pour l'émission. Merci Migoui pour ton message là. Tu vois. Et la dédicace de Colis, c'était quoi? Vince, fais une dédicace pour moi, frangin. Remets une dédicace à Monsieur Aublin. Oui, Monsieur Aublin. Fais-moi passer ce message, s'il te plaît, frangin. Merci. Voilà, message passé. Avec plaisir, de rien. Vince, vous devez trop écouter ça là. Amel Ben, chanson Au Santa Noël des Raps. C'est quoi ce truc? Je connais pas. Tu connais pas ça? Ça date de quand ce truc de Amel Bent? Le 4 décembre 2018. Ah, c'est récent en plus. Amel Bent a chanté une chanson de Noël. Au Santa Noël des Raps. Je connaissais pas. Salut, c'est Amel Bent. Noël des Raps sur Télétoon Plus. Ah, c'est sur Télétoon, c'est pas ce truc. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ben non. Ouais, attends, je cherche la chanson là parce que là, c'est. Ah, on écoute. C'est un bruit dans la cheminée. Hein? Mais ça va pas t'oublier. Ah, c'est un remix. Mais comment ça, le jour de Noël, tu croyais quoi qu'on ne remarquerait? Ah ouais, Amel Bent. Mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, on t'a vu à Paris. Oh Santa. Ah oui, Amel Bent. Oh, t'as remixé Aya Nakamura. Mais toujours le point levé. C'est Noël qui dérape, tu dettes ça. En puant la merde, tu dettes ça. Non, non, arrête, arrête. Oh, y'a pas moyen, Santa. Oh non, Amel. On veut nos cadeaux, Santa. Genre, c'est Noël qui dérape, tu dettes ça. Bah, c'est plutôt sympa. Ouais, tu vois ça? Ça se voit, tu fais des trucs comme ça quand t'es en manque de thunes, frère. la pauvre. Ah ouais, c'est sérieux. Je suis sûr, t'es pas à l'abri qu'elle revienne, qu'elle repère. Alors, tu vas être le premier à chanter ses chansons, toi. Elle a des super chansons. Après VG Dream et Soprano dans la même, là. Merci, Raphaël. Yondel, là, qui est connecté aussi, là, il est en train de jouer à. Ah, il s'appelle comment le jeu encore, putain? Allez, où t'as la Battle Royale, là? Fortnite. Voilà, Fortnite. Ça y est. Ouais, Fortnite, t'as vu. Attends, Fortnite, c'est comme Battle Royale? C'est un jeu de Battle Royale, en fait, ouais. Avec, enfin, comme Hunger Games. Le principe, quoi. Là, ouais, le principe, ça, c'est le dernier survivant, quoi. Ah, je, ok. C'est on s'entretue, tout. Je voilà. Pas. Ouais, c'est ça le principe. On a Max qui est là, là. Salut, Max. Allô, Max? Oui. Yo, Max, Max est dans la maison! Excellent. Ça va, Max? Ça va, tranquille, et vous? Bien, mon pote, là, on parle des métiers qu'on voulait faire, ou qu'on veut faire, ou qu'on fait, mais dont nos parents n'étaient pas d'accord. Là, après, on va passer à un autre délire, là, dans l'émission. Le check pas ton Snap, ton Insta, ton Messenger, ton texto, on va voir de quoi il en retourne. D'abord, Max, c'était quoi le métier que tu veux faire, ou que tu fais, ou que tu as voulu faire, je sais pas très bien. Moi, j'ai toujours voulu faire un métier un peu que beaucoup de gens veulent faire, c'est footballeur. Mmh. Et voilà, c'était ma vie quand j'étais jeune, c'était vraiment ma vie. Je passais mes après-midi, mes soirées après l'école, je passais au foot. Est-ce que toi aussi tu t'es blessé et t'as pas pu continuer ta carrière? Voilà, je savais que t'allais sortir ça, mais non, c'est un peu plus basique chez moi, mais voilà, ça reste un truc qui m'a stoppé. Quoi? Qui m'a parce que dans mon élan pour attends, Max, t'as mis un oreillette, un haut-parleur, un truc dans le genre? Non, même. Attends, je suis dans la voiture. Ah, mais voilà. Ouais, c'est peut-être ton. Il parle devant le micro, il a dit non, attends, je suis dans la voiture, je sais pas c'est quoi un kit manip. On t'entend un petit peu comme. Ouais, c'est mieux que. Parce qu'avant, je t'entendais comme ça, c'était trop bizarre. Ouais, tu vois, avant, j'étais dans une merde. C'est vas-y. Du foot en salle. Et donc, t'as fait du foot, bon voilà, mais dans ton entourage, qui voulait pas? Disons que c'était mon père qui voulait pas et ma mère qui voulait. Ah ouais, elle connaît les bases. Ça savait qu'il y avait moyen de faire du cash. Voilà, j'étais à fond dans le foot. Et j'ai fini par avoir un petit piston, on va dire. J'ai fini par avoir un contact sur Anderlecht. J'avais passé des tests, etc. Okay. Donc à ce moment-là, mes parents étaient séparés. Quand tout ça s'est fait, ma mère était super contente parce que je vivais avec ma mère. Elle était super contente. Elle avait déjà mon avenir à l'AC Milan, j'en sais rien. C'est juste que je venais d'un petit club. Donc pour moi, c'était un truc de fou, tu vois. Et au final, mes parents se sont remis ensemble. Attends, t'es de nouveau dans ton aquarium là, fais attention. Au final, ses parents se sont remis ensemble. Et puis. Et là, on entend mieux? Ouais. Voilà, au final, ils se sont remis ensemble. Et pour mon père, c'était niette, c'était catégorique. Non, parce qu'il y avait genre une histoire de 4 entraînements par semaine, c'était jusque 21h30. Ah oui. Et alors? Bah, c'est ce qu'il faut. On était du genre à pas avoir de voiture, c'était un peu la galère. C'est dommage. Je comprends, mais. Tu sais, moi, je pars du principe que c'est. Allez, faut regarder un petit peu ses enfants. Et lorsque tu vois qu'ils ont vraiment une fibre pour quelque chose, tu sais, il y a des talents comme ça. Hein. Bien sûr. Moi, par exemple, je regrette parce que j'ai toujours kiffé la natation. J'ai adoré nager, je nageais comme un dingue tout le temps, constamment et tout. Et mes maîtres nageurs, j'ai appris à nager dans un pays. Eddie qui te regarde très bizarrement. Eddie, c'est mon côté blanc qui a pris le pas sur le métissage. C'est pour ça que je sais bien nager. Et toi, t'es bien nager. Ouais, vraiment, toi, tu coules. Je nageais au fond de l'eau, ouais. Je sais. Et tu vas devine quoi, j'ai appris à nager dans un pays où on n'apprend pas à nager, on sait pas nager. C'est-à-dire au Sénégal. Ah oui? Tu sais pas nager? Non, il y a pas les cours de gym, il y a pas les cours de. Voilà, de natation, quoi. Okay, sauf si t'es vraiment dans une école UP, mais dans n'importe quelle école où t'as été au Sénégal et que t'es dans une école, t'as pas un cours de piscine. C'est pas des cours de piscine, c'est des cours de noyade là-bas. Non, mais, sérieusement, c'est une grosse histoire. Il y a plein de pêcheurs qui meurent malheureusement chaque année parce qu'ils savent pas nager. Non, mais c'est une grosse histoire, c'est très sérieux. Hein. Donc voilà, mais bon, c'est parce qu'il y a toujours le cliché, l'idée reçue, genre les blagues savent pas nager. Et donc toi, tu voulais nager? Moi, je voulais nager. Et en fait, tu sais que je battais mon prof de gym et tout en secondaire. Je le battais, mais de ouf, lui qui faisait sport de haut niveau et tout. Wow. Je le battais sur les longueurs, etc. Je battais tout le monde. Alors, c'est-à-dire, en sport, j'étais vraiment naze, mais en natation, je niquais tout le monde. Que ce soit en apnée, que ce soit tout. Eh ben, c'est voilà, mes parents n'ont pas suivi, ils n'ont pas capté le truc. C'est dommage. Et toi, tu leur as demandé? Je leur ai dit, tiens, je voudrais faire plus de natation, je voudrais nager davantage, je voudrais aller m'inscrire. Ouais, mais non, c'est chiant, si on doit encore aller là-bas dans ce truc-là, nanana. Et voilà. Et c'est dommage ouais. Parce que j'avais vraiment le sentiment que j'avais un truc, rien qu'encore maintenant, quand je vais nager, je suis pas pro, mais je pète des gars qui font ça en professionnel, quoi, tu vois. Mais peut-être que je devrais m'y mettre, mais à 32 ans, non, malheureusement. Il n'y a pas d'âge, tu viens de dire qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, mais quand c'est physique, excuse-moi, mais physique, mais là, tu peux. C'est un sport, quoi. Mais c'est un sport, d'accord, mais en même temps, je peux rien faire face à quelqu'un qui a. Ouais, c'est vrai. La natation, c'est pas seulement battre des gens, non, c'est d'abord nager. Non, c'est le cardio, il y a beaucoup de cardio, il y a plein de trucs. C'est une compétition avec toi-même. C'est sûr. Nager pour ton plaisir. Le pire, c'est que mon père voulait que je fasse de la natation, justement. Il disait que ça te sculpte un beau corps, que c'est un vrai sport. Ouais, mais tu fais pas. C'est ça, ça fait le haut, parce que le bas, il est tout maigre comme Booba, quoi. Ouais. Mais, jaloux. Mais ouais, je suis jaloux. Ouais, je crois que t'es jaloux. Non, mais sérieusement, c'est, je veux dire, c'est, les parents, voilà, si tu dois suivre à chaque fois ce que eux ils veulent, ben toi tu suis pas ta voix et alors tu t'as un malaise dans ta vie. Donc, ouais, c'est vrai. N'hésitez pas quand vous. Alors, si vous avez 11 ans, vous voulez faire plein de trucs à la fois, laissez le temps. Mais à partir faut du moment, au bout des choses, quand même. C'est ça. Mais lorsque vous lancez dans un projet, même si vos parents ils sont parfois contre, alors les parents, j'ai pas envie de dire qu'on va à l'encontre de vos volontés. Ouais, je pense qu'un vrai parent, il sait ce qui est bien pour son enfant. Après, il y a un contexte. C'est ce que l'enfant aussi veut. Bien sûr, il y a le contexte, il y a la réalité de la life. Mais en tout cas, j'encourage vraiment les parents à aller à fond avec les projets de leurs enfants. Et les enfants, les étudiants qui se disent, bah, moi, je veux faire ça de ma vie. Ne laissez personne vous dire de ne pas le faire. Non. C'est pas eux de décider, c'est votre vie. Ne laissez pas les autres choisir à votre place. Je pense que c'est terrible, c'est important de se réveiller un jour et de se rendre compte que t'es pas heureux dans ce que tu fais. On est bien d'accord. Et d'avoir passé 30 ans de ta vie à. Après, tout dépend surtout de ceci. Parce que quand ça arrive, comme moi, par exemple, à 13-14 ans, où t'es super dépendant de tes parents, bah, t'as pas le choix. Si on te dit non, c'est non, tu vas pleurer dans ton livre. Oui, bien sûr. Quand t'es déterminé, tu sautes par la fenêtre comme Lara le faisait quand elle avait 12 ans et tout, tu vas faire tes trucs. Ah ouais, on te parle de trucs, tu les dis à l'antenne. Ah, Lara, ça m'étonne même pas. Lara, la fugue, ça se voit, c'est une fugueuse. Mais Lara, même ici, elle saute par la fenêtre encore. C'était une rebelle. Oh, trampoline. Mais non, pas comme ça, dans l'autre jump sens. Pixel ou quoi? Non, bon, saute mouton. On te fait un bisou, Max. Je vais te dire un truc. Mais bien sûr, mon pote, vas-y. Je sais que tu vas m'insulter en retour, mais je te kiffe, gros. Ah ouais? Allez, ta gueule. Bonne soirée, Max. Merci, mon pote. Bye bye, ciao, ciao. Allez, on a Brian qui est là. Salut, Brian. Brian is in the kitchen. Ça va, Brian? Ça va et vous? Ça va mon pote, tranquille. Oula Brian, qui se passe à la radio derrière, ouais, qui tourne. Coupe ta radio, ouais, mon frère. Ouais, c'est pour ça que je me casse. Réponds au téléphone, connard. Brian, tu viens de Grivenier, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, tout à fait. Côté de Liège, hein? C'est quoi ça? Ouais. Oh putain, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Nigel? Mais vous dites que je critique Liège, mais c'est quoi ces noms de ville de merde? Nigel, mais Grivenier. Putain. Grivenier. Et le mec, il vient. Le mec, il habite à Tubis. Il vient de Tubis, quoi, s'il te plaît. La passée de l'eau. Allez, Liège. La passée de l'eau. Salutations à tous les Liégeois qui nous écoutent. La passée de l'eau. Dis, qu'est-ce qu'il y a, Nigel? Tu vas me dire que tu bises pas, toi? Non, je bise pas, moi, je vais à Béziers, moi, c'est mieux. Brian, qui vient de Grivenier, tu viens ce soir pour faire un check pas ton messenger. Ah. C'est le premier qu'on va faire, check pas ton messenger. Alors, Brian, on va appeler qui ce soir? On va appeler l'INSEE. On va appeler l'INSEE, c'est ta meuf, c'est qui, c'est quoi? Ouais, c'est ma copine, ouais. C'est ta copine, et avec l'INSEE, en gros, la relation, ça se passe tranquille? Ouais, ça se passe très bien. Et c'est pour ça que ça va un petit peu, tu vois, ça va un petit peu la mettre en colère, à mon avis. On va, non, l'idée, c'est pas la mettre en colère, c'est de vérifier si elle te fait confiance ou non. On va voir, puisque tu vas l'appeler et tu vas lui dire, check pas ton messenger. Donc, tu vas lui envoyer une photo de toi, Brian. Est-ce que t'as déjà fait la photo? Ouais, je l'ai déjà faite. Ok, super. Est-ce que t'as déjà envoyé la photo? Non, pas encore. On alors, dit, super. Alors, sur la photo, tu vas écrire quoi? J'ai écrit, pour toi, Mazarine, tu me manques mon petit cœur. Voilà. Marine. Et c'est le nom de ton ex ou de quelqu'un d'autre? Ouais, c'est ça, c'est le nom de mon ex en fait. Okay. Joli prénom. Tu vas l'envoyer à l'INSEE via Messenger et puis tu vas l'appeler immédiatement ici avec nous en direct sur Énergie. Tu vas lui dire check pas ton Messenger. Là, est-ce que l'INSEE connaît Mazarine? Non, elle la connaît pas, mais elle l'a déjà vue de vue. De elle en a déjà entendu parler. D'accord, ok. Très bien. Eh ben, merci. On lance ça tout de suite. Mister Moon qui dit, moi j'étais doué en architecture, dommage que je n'ai pas persisté là-dessus. Rien ne t'empêche, hein, Mister Moon, de continuer, d'y retourner. C'est clair. Il n'y a pas de temps d'arrêt. Non. Et on me demande, il y a quelqu'un qui m'a posé une très bonne question, est-ce qu'on a droit à une bourse d'études lorsqu'on se relance dans des études à 35 ans? Non. Une bonne question, ça. Une bourse d'études, c'est ce que 25 ans, ouais. Voilà. Dommage. Bah, c'est vrai qu'il faut pouvoir se le permettre aussi. Hein. Sinon, cours du soir, tu peux faire tes études supérieures en cours du soir. Hein. Bien sûr. Ah non, si tu peux. Ouais. Bah, alors, tu dois être inscrit genre au CPS, tout ça là. D'accord, bah pourquoi pas, faut le faire. Hein. Après, vous faire un gros dossier pour être accepté. Hein. Attention, Brian. N'envoie pas tout de suite la photo parce que d'abord, on va se faire. Que Black. NASA. Rinatiol. Avec Bambi. Jayanai. Et ça s'appelle Équilibré. The Bad Bad Wicked. The Bad Bad Wicked. Anyway, mesdames, make the man tan sick. They my bad have a bambi. They want to give me the key. Naza ke black and Jane at the club. They want to nice girl for one by the decade. Light up the hook and drink some rum. Link up the girl, them be get some fun. And we make the girl, them giddy man bun. And look around the place, this is London. On est où là? Pour une paire de fesses, nous on trahit pas les nôtres. On est où là? Nous on encaisse le baiser, on trahit pas les nôtres. Alléluia. Ouloulou. Ouloulou. Nous on pose des bouteilles, équilibré. Nous on veut que l'oseille, équilibré. À quand le jour de la paix, équilibré. En vrai on s'en bat les couilles, équilibré. Ah ah ah, équilibré. Ah ah ah, équilibré. Ah ah ah, équilibré. Ah ah ah, équilibré. The bad girl wicked, équilibré. Me make the girl turn freaky, équilibré. Them a fi wine pon the dicky, équilibré. Do them pa y'all have the city, équilibré. Les filles maintenant c'est trop tôt. Et les belles filles si on dit moi encore. Hey, on est trop logo. Ben ben grave nos motos. Qui prend les règnes ce soir c'est la street. Dans le carré VIP négues c'est la street. Qui envoie la bombe de bombe c'est la street. Ce soir c'est de la balle c'est la street. Ouais. On est où là? Pour une paire de fesses nous on trahit pas les nôtres. On est où là? Nous n'encaisse le baiser on trahit pas les nôtres. Alléluia. Ouloulou, ouloulou. Nous on pose des bouteilles, équilibré. Nous on veut que l'oseille, équilibré. À quand le jour de la paix, équilibré. En vrai on s'en bat les couilles, équilibré. Ah ah ah, équilibré. Ah ah ah, équilibré. Ah ah ah, équilibré. Ah ah ah, équilibré. The bad girl wicked, équilibré. Me make the girl turn freaky, équilibré. Them a fi wine pon the dicky. Do them pay a lot of city. Equilibre. See me in a the club, be a girl me a fuck. Talk them a talk, but my drops them struck. That one day wicked, somebody a fi drop. Open the door when the guns them a knock. Le soir, 21h minuit. Du lundi au vendredi, Vince. Vince sur Énergie. Soyez les bienvenus, on est ensemble, 21h57 les amis. Là on a fait le sujet, là, l'entourage qui refuse ton choix d'études. C'était sympa. Il y a eu pas mal de réactions qui sont arrivées, notamment Vince pour les métiers en pénurie. On peut être payé, j'ai repris les études pour être infirmier et je percevais le chômage. Bah, c'est génial. Ah, c'est cool, les ça. Métiers en pénurie, c'est vrai d'ailleurs. Justement, les questions qui arrivent, Vince, c'est quoi les métiers en pénurie? Vous êtes rapide, hein. Vif hein, ce soir, c'est incroyable sur le WhatsApp. 0492-222-002. C'est une super question parce qu'en fait, c'est hyper intéressant de se dire que tu peux trouver du travail. Je crois être ménagère déjà, non? Alors, je vais te dire tout de suite. Hein, fonction critique et métier en pénurie, j'espère que vous êtes prêts. Nous avons aide-ménagère, bétonneur, boulanger, charpentier, chef de cuisine, chef d'équipe des industries. Ah non, je suis sur le même site que toi. En fait, il écrit les fonctions critiques, entre parenthèses, non en pénurie. Ah non en pénurie, ok, putain, ils ont écrit ça en tout petit. Voilà, les métiers en pénurie, à partir de maintenant, excusez-nous pour cette petite erreur. Transformation des viandes, donc les abatteurs, abatteuses. Ah oui. Analyste business, analyste informatique, attaché et technocommercial. Il paraît qu'ils cherchent des gens dans la police informatique. Ah oui. Ouais, ils cherchent des gens. Cybercriminalité. Cybercriminalité, ils sont en recherche de malades. Hein, donc si jamais vous êtes doué en informatique et tout, ils recherchent. Hein. On nous dit chauffeur, chauffeuse d'autocar, chauffeur poids lourd ou chauffeuse aussi, conducteur en fait. Hein, chef de chantier, chef de projet informatique, chef d'équipe dans la construction. La construction et l'informatique. Quoi. Cimetière. Les pharmaciens aussi. On cherche des gens pour travailler dans des cimetières. Ah oui. Ouais. Comptable, visiblement, c'est méga recherché. Ça, les comptables. C'est un super job parce que métier en pénurie. Comptable, ouais. Tu peux travailler dans plein de domaines différents en fait. Oui, dans toutes les sociétés en fait. Même dans la musique. Non mais tu c'est vois vrai. Ce que je veux dire. C'est ouais, dans la vrai. Musique, tu peux être comptable et pour travailler. Pour un label de musique et mais tout. Bien sûr. C'est bien vrai ça. C'est vrai que comptable en fait, tu peux toucher à tous les métiers que t'aimes bien. À tous les métiers que t'aimes bien. Mais bon, il y a toujours les chiffres quoi. Conducteur d'autobus, de grue aussi, d'engin de terrassement, couvreur. On nous dit dessinateur. Ah chouette. Non. Quoi, non. En mécanique, mais je suis étonné. Dessinateur industriel. Mais concepteur, conceptrice, dessinateur, dessinatrice en mécanique, mais c'est génial. Ouais, c'est dingue. Ouais. Dessinateur en construction, mais je découvrais. Développeur informatique, c'est-à-dire le métier. Bah, c'est vrai que chez nous on galère. Hein, à l'énergie et nostalgie, on a l'IT qui sont les développeurs informatiques. Ah c'est vrai. Et on veut engager. Ah mais d'ailleurs ouais, si vous cherchez un job en informatique. On a des jobs en informatique à vous filer. Ouais. Hein, je crois qu'il faut quand même un master en informatique ou une formation en informatique quand même. Non, hein. Je pense peut-être un bachelier, mais pas sûr. Hein. Je crois que c'est un bachelier. Pharmacien, comme t'as dit Nigel, effectivement. ouvrier, ouvrière de WAF de voirie, tuyauteur, technicien en système d'usine, mais c'est génial tout ce qu'il y a. Technicien c'est en laboratoire de recherche, ah métier ouais. en pénurie, donc si vous mettez en science, boum, alors c'est bon, vous avez le job, quoi. Eh ben franchement, les amis, on vous a donné une petite liste, faites-vous ce qu'il faut, faites ce qu'il faut. La carrosserie est en pénurie, c'est con, mais là, il demande 5 ans d'expérience, donc j'ai jamais pu travailler là-dedans malgré mes diplômes. Eh ben alors, du coup, Renault, lance ta société. Il s'appelle Renault en plus. Ouais, effectivement là. Et un dernier message là, rapidement. Bonsoir Vince, je sais pas si tu vas lire mon message. Je rêve d'être, alors attention, je rêve d'être danseuse professionnelle déjà depuis 3-4 ans. Mais je connais déjà la position de mes parents qui ne sont pas d'accord par rapport à ce métier, donc je le garde comme loisir. Et je voulais vous dire que je vous adore et Nigel, tu me fais trop rire. Merci d'avoir pris le temps de lire mon message et surtout de prendre du temps pour nous faire rire chaque soir. Continuez comme ça, ne changez pas. Merci à toi qui nous a envoyé ce message pour la première fois à la radio. Vas-y à fond pour la danse. Je sais qu'au Canada, ça recherche énormément de danseurs, danseuses. Le Canada cherche à recruter. Alors je vous invite pas à aller au Canada et à quitter la Belgique, mais en tout cas au Canada, quand vous parlez français, vous avez d'office un taf. J'ai 3 potes qui sont partis là-bas, ils ont même pas de formation. C'est un pays formidable. Et ils sont arrivés là-bas, ils ont eu des jobs, mais directement. C'est-à-dire qu'ils ont bossé dans des sociétés qui avaient besoin d'avoir de relations avec le Québec. Donc je parle pas d'aller au Canada, à Montréal, Québec, où ça parle français. Je parle d'aller à par exemple à Vancouver, à Toronto, Ottawa, où leur niveau de français il est naze et pourtant ils ont besoin de faire du business. Et ils engagent que des francophones, mais la blinde. Et la qualité de vie est extraordinaire. J'ai un mec de Charleroi, je l'ai rencontré là-bas, c'était un auditeur de mes émissions avant. Et le mec il me dit ouais, j'étais trop auditeur de ton émission, etc. J'étais au chômage, je galérais. Le mec il travaille dans une boîte informatique et parce qu'il parle le français, bah, c'est le mec qui fait toutes les relations. Et le gars il gagne sa life de ouf. Franchement, j'ai respect quoi. Ouais. Je sais que l'artistique aux États-Unis et au Canada ça marche très bien. Sérieux? Ça marche aussi bien ici chez nous en Belgique et en France, mais il y a plus d'opportunités effectivement. Il y en a beaucoup ici quand aussi. Bien sûr, il y a toujours. De toute façon, on cherche toujours dans le spectacle, etc. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a l'entertainment est vraiment omniprésent. Il y a beaucoup de chaînes locales. Il y a beaucoup. Voilà. Donc du coup, il y a pour la danse, faut pas hésiter. J'ai une pote d'ailleurs qui est partie. Elle est liégeoise. Elle est partie faire ça à New York. Et plein de fois, elle a fait Broadway. Elle a pas fait Broadway en tant qu'artiste chanteuse, mais en tant que danseuse chorégraphe. Elle était danseuse chorégraphe à Broadway. Et la meuf, elle est partie Liège. C'est quoi, je pars là-bas à l'aventure? Et eh ben ça cartonne pour elle et franchement je t'y reste pas, ces gens qui ont des couilles d'aller faire ça, ouais. c'est énorme. En attendant, Brian, est-ce que t'as envoyé le message? Brian, j'essaie de récupérer là. Est-ce que tu me reçois? Oui, je te reçois direct. Brian, est-ce que t'es prêt pour envoyer le message tout de suite ou t'as déjà envoyé? Je peux te l'envoyer maintenant si tu veux. Alors, on va d'abord se faire une petite pause. Et tu peux l'envoyer tout de suite. Ok? Ok, ça va, pas de problème. Prêt? Et on te dira qu'on l'a envoyé. Welcome, Vincent dans la maison! Apprenez-en plus sur l'équipe qui vous réveille chaque matin dans le 6-9 sur Énergie. Marco. Je suis mauvais perdant. Mais alors très, très, très, très mauvais perdant. Je cherche toujours mon doudou que j'ai perdu à mes 12 ans, si vous le voyez. J'adore dire j'arrive, alors que je suis même pas encore parti. J'aime bien recevoir un SMS de ma copine. Un message, hein. Pas 15. Le 6-9 sur Énergie, tous les matins, 6h-9h. Love me tonight. Give me your heart and intertwine. Your body's a mind, body's a mind. I got words on my mind, words on my mind. Listen to the groove, let go and follow in the mood that's flowing. Yeah, we're like a wave.

Je pensais que Jadi vient, on va s'expliquer, t'as cru que t'es un bonhomme. Bon, Lara, attention, abracadabra, tu deviens Mazarine. Allez, hop là. Non, mais dis-moi pourquoi. Enfin, je sais pas pourquoi. Ryan, c'est bon. Allô. C'est bon. Ouais. On a eu la photo. Quoi. Qui? Bah, je sais bien. Ouais. C'est qui? Tu l'as dit ou pas? Bah, non. Non, j'ai pas préféré. C'est qui? Allez. Ouais, ça peut, c'est qui? Arrête. Allez, ça commence pas. Dis-lui, Brian. Dis-lui que c'est fini. Hé, hey, t'es qui? Allez, dis-lui. Ouais, ça peut, je te parle, t'es qui? Ah, qu'est-ce que pourquoi elle crie dans le téléphone? Non, parce qu'elle est en train de t'insulter, mais fais pas attention. Non, hein. Oh, mais y'a pas de problème. Et j'en ai rien à foutre. Passe la moi, vas-y, passe la moi. Non, je suis un peu trop bien. Ben si, ben vas-y, passe la moi, t'es allô, qui toi? Ben c'est qui? Ben moi, je sais qui t'es. Tu sais bien. Ben toi, t'es qui? Ben tu sais bien qui je suis. T'es Mazarine? Bah, t'as reçu la photo. C'est une blague ou quoi? Qu'est-ce que tu fais chez lui? Mais non, mais t'es sérieux en fait? Bah, c'est lui qui m'a dit de venir. Ouais, bah non, mais il pas pour moi. En fait, c'est quoi? C'est moi qui ai envoyé la photo. Et il a pété un câble et donc il t'a appelé et tout, mais en fait, parce qu'il doit te dire que en fait, c'est fini en fait. Passe-le-moi. Ouais, je te passe. Tiens, Brian. Ouais, parce que tu commences à me. Allô? Ouais, mais c'est allô? Pourquoi elle est chez toi, elle? Bah, parce que j'étais mal et tout, et voilà, j'ai voulu les. Mais je m'en fous. Venir, bah, déjà. Je sais pas, mais non, mais je m'en fous. Mais déjà, c'est une amie à mon cousin, tu vois. Donc, voilà. Ouais, c'est ça, c'est l'amie à ton copain, à ton cousin, c'est ton ex. Non, c'est pas vrai, hein. Je suis pas une amie, je suis ta cousin, mais on est ensemble depuis 2 mois, dis-lui. Hein. Mais non, mais voilà, je vais pas te raconter toute ma vie non plus. Bah, tu peux 2 mois que vous êtes ensemble. Ouais. Et tu comptais me le dire quand, en fait? Bah là. Non, mais toi, ta gueule. En fait, je vais te le dire aujourd'hui, c'est pour ça. Et pourquoi le dire? Putain, mais tu. Enfin, mais... Hein? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle a pas les moyens. Mais ça peut. Ta gueule. Ah, tu me parles pas comme ça. Oh, t'as calmé. Donc quoi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu vas rester 3 heures au téléphone ou quoi? T'as dit qu'on passait la soirée ensemble. Mais j'en ai rien à foutre, ferme ta gueule. Eh, tu parles. Oh, tu vas te calmer déjà. Tu veux pas un nouveau téléphone pour Noël? Ta gueule. Ta gueule. Je t'offre un nouveau téléphone, hein, parce que t'entends pas. Ta gueule. Eh, dis ça va pas au coup, dis. Bon, repasse-moi, Brian. Oufti. Mais il est là, hein, on t'entend, non, au parleur. Je suis là, non, au parleur. Ouais, voilà. Bah, ah, c'est bien, mais, non, mais pourquoi elle est chez toi? Parce qu'il voulait un massage. Il ouais, était, mais ça, ta gueule, en fait. Il était tendu. Mais je te réponds, lui, il veut pas te répondre, là, il porte pas ses couilles. Non, mais ça va, mais non, mais ça va. Et tu veux des réponses? Bah, mais non, mais Brian, explique-moi au moins. Ben non, mais il n'y a pas un texte. Ben voilà, tu sais, voilà, il y a quelqu'un à côté de moi, voilà, c'est elle et tout. Tu veux que je dise quoi? Juste que, ouais, ben, avec toi et moi, ben. En fait, il avait besoin d'une pédicure. Sérieux? Il avait besoin d'une pédicure et donc je suis venue faire ta une pédicure. Ta gueule, toi. Ben non, je te jure, avec des gros champignons, t'aurais arrête pu bien. Ta gueule, elle t'aurait pu t'occuper de lui, hein, c'est quoi ça? Arrête de l'insulter. Si tu voyais la pédicure que je lui ai faite, c'est incroyable. Franchement, je me demande comment tu t'occupes de lui. Ben, tais-toi, tu sais même pas comment tu. Bon, il m'a bien expliqué, ben je le vois, tu sais. Il a des poils partout et tout. Ta gueule, repasse-moi, Brian. Non, écoute, tu sais quoi, tu vas venir et tu vas m'aider parce que j'ai pas fait le deuxième pied. Mais je n'ai rien à foutre. Allez, viens, parce que j'ai besoin de toi, vraiment. Non, c'est... Ben non, si, allez, rien viens. Allez, repasse-moi, Brian. Allez, ramène tes limes et ta tout. Ta gueule. Que... Ben, dis comment tu parles, dire l'esthéticienne de ton copain. Tais-toi. T'as pas remarqué que je suis passée de l'accent liégeois à l'accent belge, à l'accent bruxellois en 2 minutes. Hein? Non. Non, je suis en direct sur Énergie. Ouais ah, c'est bien, on bonsoir a Lindsay. Bonsoir Lindsay. Comment ça va? Brian qu'on récupère aussi. Lindsay est tombé dans le panneau, mesdames et messieurs. Ouais. Et j'adore parce que dès que t'es passé d'un accent à un autre, on a la réputation. Ouais, ces animateurs là, ils passent de l'accent espagnol à l'accent congolais, tranquille. <tu vois. rire> Ça va Lindsay? Ça va et vous? Bah, ça va très bien. Est-ce que tu te sens mieux, Lindsay? C'était une blague. Il a voulu te piéger. Ah bah, on a perdu Lindsay, ça a coupé. Oh non! Ça vient de couper. Voilà, c'est peut-être le papa qui s'en est mêlé. Hein. Genre, encore ces connards d'énergie. Ah merde! Les amis, c'est une réussite. Bravo, félicitations! Wow. Ouais. Brian, bravo mon pote. On va essayer de la rappeler en antenne quand même. Hein. Ouais. Un gros bisou, Brian. Raccroche pas surtout. Dis-moi vite. Fallait que je te dise absolument quelque chose, fallait que je te remercie absolument pour, tu vois, la soirée d'Halloween qu'on a passée tous ensemble. Oui, je me souviens bien, oui. Voilà, je te dis, je te remercie parce que tu vois la femme qui m'a ramené à Liège. Oui. Liège Ben. Eh ben, on a fait une, on s'adore maintenant, on se voit, on se parle, et j'ai, grâce à toi, grâce à la radio, j'ai réussi à avoir quelqu'un que je pensais pas avoir dans ma vie. Et franchement, Vin, je te remercie énormément. Eh ben, bravo, Brian. Putain, mais c'est toi qui as fait ça tout seul, mon frère. Respect. Oh putain, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez, ah ouais. Et je fais... Attends. Non, attends. Et je fais une grosse dédicace à Nash Ben, parce que je sais qu'elle vous écoute tous les soirs et que on s'adore tous les deux. Donc voilà, Nash Ben, je te remercie. La tête de ma mère, t'es vraiment. Et Nash Ben, c'est l'INSEE en fait. Non, Najmel, c'est pas l'INSEE. Najmel, c'est la fille qui était à Halloween. Qui, tu vois, où je devais repartir à minuit. C'est sûrement sa meilleure pote maintenant, wesh. Ok, c'est ta meilleure pote, d'accord. Il y a quand même Baleine sous caillou, Anguille sous roche. Hein. Double relation, là. Non, c'est pas double relation. Je te taquine. C'est une madame, je crois. Non, franchement, ça me fait plaisir, Brian. Ça fait vachement plaisir. Voilà, franchement, Vince et à toute l'équipe, merci les gars. Franchement, avec des gens comme vous, on peut faire vraiment un monde meilleur, en vrai. Eh ben, écoute, on essaie de faire du mieux qu'on peut. On n'a pas la prétention de le changer, mais on fait ce qu'on peut, en tout cas. Klingon Death, ce soir sur Energy, let's go. We ride to the north and to the south, to the west and wonders, burning all desires. Tell me, should we go somewhere high together now, till the eastern colors, lovers undercovers. We ride to the north and to the south, to the west and wonders, burning all desires. Tell me, should we go somewhere high together now, till the eastern colors, lovers undercovers. Looking out the window, he turned a blind eye to see how far we can go. Tell me, my love, why? So we'll forget what we know, forget how it was when we were young years ago. I mean, ride to the north and to the south, to the west and wonders, burning all desires. Tell me, should we go somewhere high together now, to the east and colors? Others in the cover. Tous les soirs de 21h à... En fait, on ne sait pas trop, mais on sait qu'ils sont là. Mais bien sûr qu'on est là, vous avez cru quoi là? 22h22 les amis. Ouais. Mais non. Bah non, on l'a raté. Mais non, ouais. On l'a raté d'une minute. Ah putain, les gens, ils allaient croire qu'on n'était pas en direct. Et ouais, exactement. Salutations à tous ceux qui ont envoyé là. Vince, Brian, parlait de moi, la Najat, c'est trop chou. Mais ouais, oui, il t'adore. C'est bien que c'est Najat. Exactement. En fait, il nous a donc, il était venu ici en studio, il a fait connaissance avec une auditrice. Et voilà, il y a une chouette amitié qui s'est créée, ça me fait vachement plaisir. Il nous a dit un truc vraiment très cool. Voilà, en tout cas, on essaie de faire du mieux qu'on peut, les amis, chaque soir, au-delà de rigoler, c'est vraiment créer des liens, tisser des liens entre nous. Voilà, être un petit peu votre autre famille le soir, comme ça, sur Énergie. On est là pour ça, des potes, tranquille, on répond à vos messages. Vrai. Et n'oubliez pas, ça se passe sur la plateforme que vous désirez. Hein. On est sur Énergie, certes, mais on est également en vidéo sur YouTube. Si jamais vous voulez en profiter, la chaîne Énergie Belgique. Et puis également sur l'Instagram, Vince Radio, V-I-N-Z, R-A-D-I-O. Vince, demain, c'est mon dernier examen. Et puis les vacances, et bien Siri, enjoy. Oh là là! Extra! Les vacances aussitôt, quoi. Moi, quelle j'adore. Chance! J'adore! J'adore, c'est exceptionnel. Ah, je tiens à poser une question importante. On sera en vacances très bientôt, nous aussi. Hein. Vendredi prochain. Voilà, vendredi, pas ce vendredi-ci, mais le vendredi d'après, on part en vacances. Pardon, pendant deux semaines, en même temps que vous, hein, pour ceux ça qui partent en vacances. Qui, hein. Effectivement, il y en a peut-être qui ne seront pas en vacances et on pense à eux. Alors, du coup, il y aura des meilleurs moments d'émission qui vont être amenés, proposés, tout ça. Je voulais savoir un truc, parce qu'il y a plein d'auditeurs qui m'ont demandé, tiens, Vince, que tu peux rester pendant les vacances. Alors, moi, ça ne me dérange pas de rester pendant les vacances, présenter les meilleurs moments. Comme toute l'équipe sera en vacances, voilà, ce sera se rappeler des chouettes trucs qu'on a fait début de saison, des moments que vous avez vraiment appréciés, kiffés dans l'émission. Et je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Est-ce que je propose à notre patron que ce soit moi qui le fasse ou alors que ce soit Flo, parce que Flo il fait super bien ça. Hein. Ouais, mais on sait même pas encore si c'est Flo qui va le faire. Hein. Je peux proposer que ce soit moi, c'est parce que je sais qu'il y a pas mal d'auditeurs, ils veulent absolument garder un petit peu, tu sais, ils veulent qu'on reste, qu'il y ait toujours notre voix et tout. Donc, je peux le faire moi. Hein. Ouh, ça me fait peur. Oula, ouais, toi, tu vas insulter tout le monde, toi, le soir de Noël et tout. Ça allez, niquez vos mères. Incroyable. Donc, Vince, nouvelle chanson sur les Gilets jaunes. Sérieux, il y a une nouvelle chanson. Ah, attention, parce que là, ça a l'air d'être un truc engagé. Hein. Nous, on a fait le Cop Johnson. Il me faisait rigoler, tu vois, c'était... Gilets jaunes, moi gilets jaunes, demain les gilets jaunes, faut danser le petit. Tu vois, là, c'est délire. Par contre, l'autre, ça a l'air d'être... Ça s'appelle Tension sociale, le titre, tu vois. Tension sociale, tu perds ton sang-froid. Voilà, donc j'ai pas envie de passer des trucs engagés, tu vois. Moi, s'ils m'ont mis des trucs rigolos, voilà, ça me fait rigoler et tout ça, y a pas de problème. Et puis, ça permet d'en parler, de garder un truc dans l'actu. Mais par contre, si maintenant, ça devient engagé et tout, on n'est pas vraiment en position, nous. Voilà, on reste un média de divertissement, je vous le rappelle. Hein. Yeah. On parle certes de trucs vrais de la life, mais on n'est pas là, en tout cas, pour débattre politique. Je tiens à le préciser quand même. Hein. Nadir, petit message. Nadir est dans la maison. Sur Énergie. C'est d'eau aussi, là. Allô, c'est d'eau. Ah, c'est d'eau. Ah non, c'est d'eau, il faut parler. C'est dommage. Non, c'est. Eh ben... c'est tout. Romain aussi, là, est connecté ce soir. Ouais, Vince, bon, ça ne me dérange pas de réentendre les meilleurs moments, mais moins de musique alors, parce que ça, c'était vraiment casse-couille la dernière fois. Eh ben, très bien, j'envoie ton message à notre directeur brand manager, Nicolas Fader. J'ai étudié 5 heures aujourd'hui pour apprendre que ma prof va poser que 3 questions. La dépression arrive. Bah non, dis-toi toujours que c'est pour une bonne raison, quoi. Ta culture personnelle. Voilà, on est bien d'accord. Alors Vince, Brian, j'ai un examen en moins grâce à la grève et bus scolaire. Oui, d'ailleurs, j'ai appris qu'il y avait des examens qui étaient reportés à Verviers là. Ah oui? Ouais, dans plusieurs écoles de Verviers, il y a des examens qui sont reportés à janvier, bah à cause d'une grève là, il va y avoir grève et tout. Alors Vince, cool. Je peux plus t'envoyer de messages parce que demain examen, mais je t'écoute à la radio. Ah ben merci Kélia là, c'est très gentil pour ton message et merci de rester connecté avec nous. Ajax Bayern. Ah ouais, effectivement les amis, il y a de l'actu là, il y a de l'actu. Ouais, il n'y a pas goal pour la Belgique, mais par contre Champions League, Juventus est en train de se faire éclater par les Young Boys. Et encore, 1-0. C'est pas les seuls, hein. Alors Valencia, Valence, ils sont en train de battre Manchester United 2-0. Je sais pas ce qui se passe chez les gros, puisque le Victoria Plzeň, ils ont battu la Roma 2-1. Et que le Real Madrid a battu... Non, je déconne, ils ont perdu. Oui. 0-3 contre le CSKA Moscou à domicile. C'est une dinguerie. Hein. Mais en même temps, ils sont déjà qualifiés, non, Real? Ouais, mais même, frère, tu prends 3-0 contre Moscou à domicile. Ouais, c'est chaud quand même. Hein. Ouais, c'est chaud. Hein. Alors Manchester City a battu Hoffenheim, pour l'instant, bat Hoffenheim à la 66e minute 2-1. Shakhtar Donetsk bat l'Olympique Lyonnais 1-0. Benfica, AEK Athènes 0-0. Et Ajax, Bayern Munich 1-1. Ah, cool. 1-1, cool. Voilà. 1-1. Voilà, 1-1. 1-1. Non, parce qu'on nous a dit 1-0, il me semble. Ouais, mais ça vient de changer, là. Ouais, ça vient de changer. C'est 1-1, effectivement, c'est là. C'est cool. Ah, bah, comme ça, vous avez toute l'actu sur les matchs ce soir pour le football. Les gars, je sais pas si vous avez remarqué que vous avez toujours Max dans le standard depuis là, tout à l'heure, là, pour le sujet. Bah, si, regardez. Bon, comment c'est que je vois? Ah, explique-moi dans le standard, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a un bug. C'est une autre personne qui attend et on doit modifier tout ça. Mais okay. on prend l'antenne alors. D'accord. Bonsoir, c'est qui? Allô? Il sait pas qu'on lui parle. Bah oui, il sait pas qu'on lui parle, donc. Allô? Allô, bonsoir, t'appelles comment? Mickaël. Ça va, Mickaël? Bonsoir. Mickaël est dans la maison! Sur Énergie. Ça va, Mickaël? Bonsoir, tout le monde. Ça va, super, merci, et vous? Ben ça va mon pote, tranquille, on va parler des pires poisses. Toi t'as eu une sale histoire là, pendant une semaine. Ah ouais, alors vraiment la poisse totale, d'ailleurs franchement c'est exagéré quoi. On en parle avec toi dans quelques instants, bouge pas Mickaël là, reste avec nous mon pote. Lara, t'as déjà eu une poisse toi pendant une petite période comme ça là, truc et relou? Ouais bien sûr, il y a des moments où il y a un peu tout qui vient en même temps quoi. Genre je pète mon téléphone, il tombe dans les toilettes, je sais pas, je fais un accident avec ma bagnole, ce genre de truc quoi. Mais quand ça arrive en même temps, c'est relou hein. Ouais, mais tu te dis écoute voilà, il vaut mieux que tout arrive en même temps sur des trucs matériels en plus. Moi ça me dérange pas. Et... honnêtement, je me fais comment est-ce qu'on dit? Non, pas embourbé. Comment est-ce qu'on dit quand on rentre dans ta voiture? Je me fais attends quoi? Cardiaqué. Non, pas cardiaqué. Claudie, je me suis fait cardiaqué. Oh, emboutir. Emboutir. Ah. Ça reste une voiture. On est bien d'accord. Sont immatériels. D'accord. Hein, tant que les proches sont là, tant qu'il y a de l'amour, tant qu'il y a. Mais attention, attention, les amis, parce que parfois, quand vous avez des galères, ça peut ruiner votre vie, un peu comme Zara Larsson. Ruin My Life, tout de suite sur Énergie. Bienvenue. Baby, come bring me hell, let it rain on nights, yeah, fuck up my nights, yeah, all of my nights, yeah. I want you to bring it all on, if you make it all wrong, let him make it all right, yeah. I want you to rule my life, you to rule my life, you to rule my life. Tous les soirs. Vince est sur Énergie. Et bougez pas les amis, puisqu'on a un dragophone qui va arriver tout à l'heure là, sur Énergie. On va se faire des nouveaux jeux que vous kiffez. Vous n'arrêtez pas de demander là. À savoir, on a le tic-tac boom là ce soir sur Énergie. Et puis c'est pas tout, puisqu'on a également un nouveau jeu qui s'appelle le jus du cul. Ouais. On a que des nouveaux jeux ce soir, c'est incroyable. Et TTFX, si tout va bien, ça va arriver, ouais, également, viendra, c'est nouveau. Ouais. C'est nouveau ce soir sur Énergie. C'est Lara qui va s'y coller dans le TTFX. Un classique, Lara, toi et moi, dans nos histoires de radio, je crois que c'est un truc qui t'habille beaucoup mal à l'aise. Ouais, hein. C'est pas ma séquence préférée, j'avoue. Mais bon, comme. C'est de retour par la demande populaire. Oui, mais il y a aussi. Il y a Francis qui me l'a demandé, la blinde. Qui veulent tester leur petit copain, leur petite copine. Ben voilà, on est là. Hein. Voilà, vérifier s'ils sont fidèles et tout ça. Ouais, c'est drôle, ouais. Exactement. C'est old school quand même ce truc, hein. Et franchement, ça fait plaisir de vous le redemander, donc du coup on se fait plaisir avec ça naturellement là. Hugo là, un petit message. Hugo, dédicace à Bastien. Hugo, toi tu nous écoutes en cachette, ça s'entend. Geoffrey aussi. Oh, c'était mignon. Attendez, je crois que j'ai un message dans le genre là qui est arrivé là tout à l'heure là. Vince dans la maison. Oh, j'adore. Quels sont vos pires poissons? On en parle avec vous les amis, venez nous réagir là, 0492 222 002. On va également parler de la grève des générales qui a vendredi là, tout un boxon, il paraît qu'il y a des examens annulés. Il y a plein de gens qui me disent, ouais Vince, examen au moins, sur moi aussi annulé, c'est grève nationale. Je vous rappelle, vendredi. Ah ouais, ouais, vendredi, ce vendredi en fait, dans 3 jours quoi, c'est dingue. Ouais, on arrive. Téléchargez maintenant l'appli Énergie Belgique et retrouvez plus de 15 radios thématiques inspirées par vous. Énergie pour le sport, Énergie Nouveauté, Énergie Relax et beaucoup d'autres comme Énergie Hit 90. Je suis glace de trêve qui pique ton cœur. Caro, glace de trêve qui pique ton cœur. I'm a scat man. Revisitez les années 90 et écoutez votre radio musicale thématique Énergie Hit 90 sur l'appli Énergie Belgique et sur énergie.be. Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we just know that we'll be alright. Even though we kicked out the party, cause we both hate everybody, we're the ones they wanna be like. So don't let me down, keep me in trouble. Born to be wild, out in the jungle. And I don't wanna be. Too close for comfort. I had to cut my bitch off, she being stubborn. I make it known I fuck with you, not undercover. And when I jump in, I'm burning rubber. Iced out body, didn't go to college. Price tag popping, then you on the block. Don't say sorry, everyone's watching. When you're where I am, everything's timeless. And I don't wanna be so. Todas están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí, haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bebé, yo soy fan de tu caminar. Te doy todo lo mío hasta mi respirar. Contigo veo todo como en espiral. Tirarnos fotos y que se hagan mirar. Tus ojos me concentran como Adderall. Contigo me sube el overall. Te toco y hasta el mundo deja de guiar. A nosotros ni la muerte nos va a separar. Bebé, yo soy tuyo nada más. Dile que conmigo te vas. Que dejen de tirarte. Que a ti nadie va a tocar. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía. Que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yo soy tu Romeo, pero no santo. A tu bobo con la for y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo nada más. Yo soy tu Romeo, pero no santo. A tu bobo con la for y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo. Dile que tú eres mía desde la high. El yerno favorito de tu mic. El caco que tenía todas las Jordan y las Nike. Dile a tu bobo que dejen de darte like. Quiero esta noche entera para recordar los tiempos en la escalera. Dile que yo no soy cualquiera. Yo soy tu primero, tú eres mi primera. Ay, ay, ay. Todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. J'adore ce morceau, Bad Bunny avec Drake. Drake en mode espagnol, quoi, c'est génial. Excellent! Mia, faudrait qu'on fasse l'émission d'espagnol. L'émission d'espagnol. Eh, ouais, ou pas. Vince, tu vas faire quoi ce soir? On va tout casser! Hey, on va tout casser! Hey, on va tout casser! Hey. Tant qu'on est bien assuré. Excellent. Vince. 21h minuit sur Énergie. Welcome sur Énergie, bienvenue ladies and gentlemen. Il y a Damien qui pensait qu'on était pas en direct, mais Damien, on est tout le temps en direct, c'est tous les soirs. C'est incroyable ça. Genre nous pas en direct. Damien qui veut toujours jouer, qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien là? Et un message de Brian, hein, Brian. Dans la maison sur Énergie. Oh, c'est tellement mignon. Vince, tu veux pas demander à Thibaut de nous passer un petit MC Solar, Solar pleure. Ah, parce que c'est Thibaut qui est le programmateur maintenant. Okay. Ah, bah, je savais pas, je viens d'apprendre un truc. Ouais, bah, ouais, bah non, mais. Solar. T'apprends non, mais rien du tout. Je vous programme ça tantôt, hein, les gars. Ok, allez, programmateur Thibaut, tranquille. Ah, mais merci. Non, en fait, les gens croient qu'il est programmateur parce que c'est ce qu'il dit sur les réseaux sociaux. Ah, oh, ce mytho, c'est incroyable. Ah, ouais. Rachel est dans la maison. Enfin, j'ai su garder votre numéro. J'ai su garder votre numéro. Je ne dois pas toujours téléphoner à Monia pour qu'elle donne mes réponses. Ah, c'est drôle ça. Donc, il y a une auditrice qui nous écoute du Luxembourg, qui s'appelle Rachel, qui contacte une de ses copines, ouais, qui s'appelle Monia, et Monia joue pour elle. Enfin, on voit des trucs à sa place. C'est drôle. Non, mais prenez le temps de noter le numéro de téléphone, les amis. C'est important. Ouais. Une petite... Prenez quelques secondes, quoi. Le numéro de téléphone, allez-y, je vous le donne. C'est le 0400-92-222-002. Vous ajoutez à vos contacts. Et là, vous pouvez m'écrire un message sur WhatsApp. 0492-222-002. 0002. Et c'est gratuit. Et merci à Monia qui vient m'envoyer la photo de elle et Rachel. Oh, elles sont toutes mimi, regardez-moi ça. Oh, les choupettes. Oh. Ah là là. Mais mec, les filles de Snap, elles sont moches. Arrête, putain, t'as vu. Tu sais quoi, tout à l'heure, on va demander aux auditeurs de nous envoyer des selfies d'où ils sont, tiens, d'où est-ce qu'ils écoutent la radio. On fait ça tous les mois, savoir un petit peu pour varier tout ça. Comme il y a plein de nouveaux auditeurs, bah, ça permet de voir de découvrir de nouveaux endroits où ils nous écoutent. On va faire ça après. Hein. Frangin, passe mon message, s'il te plaît, le premier que je t'ai envoyé, enfin le deuxième que je t'ai envoyé. Là. Mais je l'ai déjà fait. Vince, Frangin. Je suis désolé de te redemander ça, mais tu vois, Oblin, dis le hibou. Il a pas entendu sa dédicace, frère, parce qu'il était au WC, il a une gastro, ça devient vraiment catastrophique. Il fait des tas, frangin, de la taille en adjol pour te dire comment les WC sont solides. Hein. Franchement, s'il te plaît, refais-moi cette dédicace. Non, non. Merci l'équipe, énorme bisous à tout le monde. Ben voilà, le message est bien passé. Coucou à Megan et également Vinch, la reine de la poisse et de la maladresse. S'il y a une merde au milieu d'un million de roses, eh ben je vais marcher dedans. Et on parle de poisse, effectivement, des poissards, avec Michele qui va nous raconter sa petite histoire. Allô Michele, est-ce que t'es toujours là? Oui, bonsoir. Michele dans la maison. Michele, quelle est cette histoire de poisse? Raconte-nous tout là. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh ben, on va essayer de raconter ça avec le sourire. Ouais. J'ai mis une musique drôle derrière déjà, donc t'inquiète. Vas-y. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça s'est passé déjà vendredi passé. Donc ça fait, il y a une semaine. On a accroché mon pare-choc. Ouais. Oh, ouais. De ma femme, bon, c'est pas grave. On va réparer. On va leur faire, c'est pas un souci. Ouais. Deux, trois jours plus tard, donc dimanche, parce que j'habite en face d'une boulangerie, et en face de chez moi, il y a une boulangerie, et... Allez. Dis-le, Michel, t'inquiète pas, dis les choses. C'est le bordel. T'as dit quoi? Boissons, c'est le bordel et tout, donc voilà, quoi. Hein? Et on a accroché l'avant de ma voiture. À chaque fois quand t'étais garé, en fait. Chaque fois que j'étais garé. Oh putain. Non, c'est pas fini, le pire arrive. Okay. Donc on accroche l'avant de ma voiture. Je regarde ma femme. C'est pas grave, on va réparer. Ça passe deux fois. Mais par qui? La nuit de jeudi à vendredi. Lendemain, on se lève, tout, on prend la voiture, on voit la voiture. Il manque les phares anti-brouillard plus les caches de l'avant de la voiture. On t'a volé tes phares? On t'a sérieusement de fuck en volé tes phares? C'est pas comme bagnole. Il y a mille voitures, c'est la mienne qu'on... Enfin, c'est pas grave. Non, c'est la tienne qu'on accroche à l'arrière, qu'on accroche quelques jours après à l'avant, puis à qui on vole les phares anti-brouillard et les quelques phares. Et attends, et ta prouesse, c'est terminé comment avec cette caisse? Toi, cette caisse était détestée. Attends, j'ai dit à ma femme, tu sais quoi, on va prendre une décision, on va remettre la voiture au garage, parce qu'ici, on a tué la voiture. Ouais. Et comme j'avais pas de place dans le garage parce que j'avais deux motos, j'ai dit on va prendre une moto, on va aller la ramener dans le garage de ta belle-fille de ta fille. Oula. Donc c'est-à-dire ma belle-fille qui a de la place. D'accord. Donc on va prendre la moto, tu vas me suivre. On va aller remettre la moto chez elle, comme ça elle est tranquille, tu pourras mettre la voiture dans le garage. Ouais. Elle me suit, on arrive à hauteur, enfin plus ou moins on va dire à une centaine de mètres de la maison de ma belle-fille. Je m'arrête à céder le passage, ma femme qui arrive par derrière, bam, elle bombe aussi avec ma bagnole sur ma moto et elle m'a éjecté 2 mètres plus loin. Mais oui. Alors. Ça veut dire qu'il faut changer quelque chose dans ta vie, ça. De bagnole, c'est la bagnole qui est maudite. Ouais, mais vraiment, ça leur change ta meuf. Attends, la voiture, il a le phare, le pare-choc. Le capot plus le réservoir d'eau des épiglottes. En fait, c'est un signe. Ça veut dire que ça t'a évité un grave accident, en fait. Peut-être un signe du destin pour faire comprendre, débarrasse-toi de cette caisse, tu vois, en urgence. Si ça se trouve, tu vas la vendre à quelqu'un et la voiture elle va exploser, tu vois. Oh, c'est ça. Oh non, mais. La pauvre, elle était décomposée, ma femme. On aurait dit Walking Dead, tu vois, un zombie, quoi. Je veux bien. Elle s'est dit, putain, comment ça se fait que je l'ai pas tué, ce con? Attends, mais justement, je lui ai dit, tu sais que j'ai pas d'assurance vie, donc t'as raté ton coup, là. Non mais c'est horrible. Attends, c'est quoi cette semaine? Non mais quand t'as des galères comme ça, c'est vrai que c'est méga chaud. Et j'ai remarqué, je sais pas si c'est parce qu'on manque de concentration. Tu sais, quand il t'arrive une merde dans ta life, t'es déconcentré. J'ai l'impression que ta déconcentration entraîne d'autres choses. Sérieux? À moi, tout a démarré un jour, mais vraiment une journée, mais pas possible. Où je vais avec ma carte de banque, je retire de l'argent et je sais pas ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui m'envoie un message. Donc ce message capte mon attention. Donc moi, entre temps, je vois ce message, je récupère mon argent. Je pars, carte avalée. Ah bah oui. Ah ouais, trop tard, tu vois. Direct. Ah oui, tu l'oublies, oui. Hein. 30 secondes, la carte, elle est bouffée. Donc ça a fait un bruit, j'ai pas capté que le bruit était pour moi, ça fait trop tard, carte avalée. Et donc moi je demande, oui, s'il vous plaît, pour récupérer la carte. Ah oui, mais c'est possible en fin de journée, monsieur. Et moi je réfléchis, je me dis, mon Dieu, mais putain, c'est mon dernier jour où je dois payer ça et payer ça. Et si je le paye pas, c'est la galère. Alors du coup, je me retrouve dans des situations pas possibles. Ma voiture, effectivement, elle tombe en panne. Quand je dis elle tombe en panne, c'est il y a le pneu qui pète. Donc du coup, je demande qu'on me dépose à Auto 5 machin. Je dois payer les pneus et j'avais oublié que j'avais plus de carte. Et puis j'arrive, putain, plus de carte. J'appelle ma mère. Ma mère, man, écoute, il faut que tu viennes avec ta carte de banque, s'il te plaît. Ma mère, ok, très bien, j'arrive. Et ce point, je dois attendre 2 heures. Donc entre temps, tu imagines la perte de temps, etc. Ouais. Seul insuffisant. Regarde le truc, non mais regarde le truc. Ma mère vient, elle paye ma place. Tout va bien, on me remplace mon pneu, etc. Ouais, je dépose ma mère chez elle et à un moment donné, je rentre chez moi et qu'est-ce que je m'aperçois? J'ai pas mes clés à la maison. Eh ben c'est normal puisque je les ai données à ma mère. Et donc du coup, je savais pas rentrer chez moi. Je retourne chez ma mère. Ma mère est partie. Elle a plus de batterie de téléphone. Donc du coup, je savais plus rentrer chez moi. Et entre temps, je devais absolument rentrer. Je sais même plus pourquoi. C'était méga urgent, mais je savais plus rentrer. Donc du coup, pour me changer, prendre une douche parce que je puais, etc. Et finalement, j'ai pu récupérer mes clés, mais genre le lendemain. Donc j'ai même pas pu rentrer chez moi. Tout ça à cause d'une carte de banque perdue. Ah ouais. Avalée. Ou devrais-je dire tout ça à cause d'un SMS? Tout à fait. Tout ça à cause d'une personne qui a décidé. Tu te rends compte de ton attention. Oui, bien sûr, mais si le SMS n'était pas envoyé, si cette personne n'avait pas envoyé de message à ce moment-là, j'aurais pas eu toutes ces merdes sur le côté. Peut-être le pneu plat, peut-être bien, mais ça aurait été réglé vite. T'es pas obligé de regarder ton téléphone quand t'es à la banque. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais non, bon. Moi, je pensais ça. Hein. Voilà. Mais voilà. Franchement, c'est dommage. C'est la théorie du chaos. Ouais. Tu sais que maintenant, c'est même quand tu perds ta carte, tu peux encore l'utiliser. Parce que maintenant, genre, moi, j'ai un iPhone et j'ai Apple Pay. Ah oui, comme ça. Mais ouais. Non, moi je paye avec mon téléphone. Genre, je suis au banc contact, ouais. Je sors mon téléphone, je mets mon doigt sur mon iPhone. Cette histoire-là, ça m'est arrivé il y a blindé de temps, ce truc-là. Mais bon, maintenant, voilà, t'es dans d'autres cas où t'as besoin de ta carte. Vrai, ouais. Absolument. Non, mais c'est la loi des séries, ce genre de truc. Et des fois, t'as un peu l'effet papillon. Un nuage comme ça. Ouais, ça t'arrive. Et puis et après. T'attires tout. Une merde entraîne une autre, puis une autre. Et on a pas mal de réactions là. On a notamment Sarah là qui passe à l'antenne. Coucou Sarah, comment ça va? Sarah est dans la maison. Sur Énergie. Sarah, bienvenue à toi. Tu viens de quelle ville? Liège. Liège, je vois Herstal, bah oui. L'alcool, c'est de l'eau. L'alcool, c'est de l'eau. L'alcool, c'est de l'eau. Le carré. L'alcool, c'est de l'eau. L'alcool, c'est de l'eau. La Salambert représente. Vince, quand tu viens manger chez nous à Liège? Bon, c'est bon là-bas. Je sais pas, ouais, je pourrais. Bah, ouais, il y a plein de restos. Hein. Ouais, mais grave, je pourrais me faire un petit restaurant. Tu reviens du resto? Tu proposes-moi un restaurant, tiens, c'est lequel? Tu reviens du resto, là? Tu reviens duquel? Là, de chez M à Herstal. M à Herstal? C'est super bon, franchement. M comme la lettre M? Oui, c'est chez M. Chez M, c'est le chanteur. Ah oui, je vois chez M, 4,1 de notes, cuisine française moderne, ferme bientôt, à savoir à 23h, rue Arnold, Del Supex, à Herstal, effectivement. Très sympa, ça, au bord de Meuse. Oh, c'est chouette, ça. Oh, c'est chouette. Ouais, ouais. Au bord de Meuse, non, quand même pas. C'est à côté de la Meuse, hein. Moi, je suis sur Google Maps, je vois la Meuse juste à côté. Hein. Oui, mais elle est à 100 mètres. Mais le resto ne donne pas son. Oui, non. Quand tu dis un resto en bord de Meuse, tu vois le truc romantique avec l'eau et tout. Ouais, c'est vrai. Non, c'est pas du tout comme ça. Il y a genre vue sur les HLM, quoi. D'accord. Et attends, est-ce qu'ils ont toujours leur photo avec Welcome Restaurant avec une meuf qui a la bouche grande ouverte? Ah non, il n'y a pas, non. Ah d'accord, parce qu'ils avaient regardé la belle bâche qu'ils avaient avant, là. Oh my god. Avec une bonne grande bouche ouverte. Et bon, les saluts, ça a l'air très sympa, ça a l'air super moderne et tout, là. Non, vraiment, c'est bon, c'est super beau, et les services sont super gentils. Ah bah cool. C'est cool, ça. Et bon, on les salue, tiens, chez M. Big up le M. Voilà, chez M du côté de Herstal. Alors toi, quelle était ta poisse, Sarah? Vas-y, raconte-nous tout. Franchement, j'en ai beaucoup, mais en une semaine, j'ai eu vraiment la catastrophe. Donc la première fois que je sors de chez moi, je fais un accrochage avec un con qui m'a pas laissé le temps de me rabattre. Donc déjà là, c'était bon, la semaine avait commencé déjà super bien. Ensuite, le lendemain, je prends l'autre voiture et là, sur un parking, je sors et pareil, un accrochage c'est encore. C'est pas vrai. C'est toujours l'histoire de caisse. Ouais, lui, il attendait. Hein. Lui, il attendait les gens, à mon avis, parce que ma voiture, elle avait rien. Genre, il avait un super gros coup. Il me demandait un arrangement à la mienne, mais genre, il me demandait 500 euros. Lui, à mon avis, il fait tous les parkings de Liège. C'est pas et tu sais, c'est drôle, mais il y a plein de gens qui... C'est un métier, hein. Non, mais je suis sûre, parce que c'est pas possible. Sa voiture, elle était déjà super déclassée. C'était vraiment la Clio déclassée. Les gratteurs d'assurance, ouais, on appelle ça. Il y a des priorités droites à Bruxelles. Il m'a demandé genre 500 euros pour une Renault Clio. Sa voiture, elle valait même pas ça. Elle était, je suis sûr, mais il a cartonné plein de fois. On pourrait faire arrangement à l'amiable comme ça. Ah, mais il a dû faire, à mon avis, plein d'arrangements à l'amiable comme ça. Du coup, j'ai appelé mon père et on lui a donné 100 euros, quoi. Mais voilà. Ouais, voilà, c'est tout. Mais c'est vrai que, alors, méfiez-vous, hein, on en parle moi, comme ça. Mais, constat, hein, mais par exemple, il y a plein de rues. Bah, fait le constat, point, c'est sûr. Mais il y a plein de rues comme. Je ne voulais pas faire le constat, je venais de tirer le jour avant, c'était pas possible. Non. Je comprends. Mais méfiez-vous, il y a plein de gens qui se mettent dans des voies où tu sais pas que ils sont prioritaires et tout. Ça se voit pas du tout. Et en fait, ils attendent et dès qu'ils voient quelqu'un arriver vite, bam, ils prennent leur priorité et toi, tu leur rentres dedans. Vous voyez une Clio dans le parking, c'est lui. Hein. D'accord, bah, très bon à savoir en tout cas. Bah, Sarah, ouais. Et quoi d'autre? Ouais, puis ça. Et puis, donc, deux jours après, donc jeudi, mon fils, en fait, il avait ouvert la fenêtre du côté, enfin, à l'arrière passager, j'avais pas vu. Et moi, j'avais une mallette, genre, je fais les extensions de fil à domicile. Okay. Et il y avait genre 800 euros de matériel dedans. Oh my God. Et il a sauté avec la mallette. Non, je me suis rendu compte, mais ouais, on me l'a prise. Bah ouais. Parce que le petit a laissé la fenêtre ouverte. Il y avait l'argent, il y avait le matos, il y avait tout. Donc là, franchement, là, j'ai pleuré, vraiment, mais j'ai pleuré de fou. C'est pas possible. Il est vraiment con, ton gosse. Non. Franchement, je l'ai détesté ce jour-là. Oh. Je l'ai balayé. Ouais, t'aurais dû le mettre dans la Meuse. Allez, viens voir si tu sais nager. Allez, plouf. Oh merde. Oh merde, putain, il y avait un truc en dessous qui l'a embroché. Ah. Enfin, vite. Non, mais c'est la réalité, on en a parlé de ça. Non, c'est horrible, c'est horrible. Le lendemain, le petit, il me perd ma carte de banque. C'est une blague, mais ton fils, c'est la poisse, en fait. Et moi, je vous dis pas ce que ma fille, elle a déjà fait comme connerie dans le genre. Hein. En mode t'as pas vu ma carte? Il me dit non, j'ai pas vu. En fait, il avait foutu sur les toilettes en haut. Enfin, ça, c'est un truc. Il a quel âge, ton fils? Il va avoir 4 ans. 24 ans. Je l'ai eu, j'avais 2. J'avais 2 ans. Non, mais. Ça, et puis, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai perdu mon téléphone. Non, putain. Bon, le samedi. Et en fait, le même soir, j'ai perdu mon téléphone et j'ai pété mon talon avant de sortir. Oh là là. Oh, ah ouais. J'ai faut avouer que talon et téléphone, ça veut dire sors pas, reste bien à la maison. Ça veut dire achète-toi. Là, tu vas croiser ton ex. Sors pas, il va t'arriver quelque chose. Non, mais franchement, je me suis dit, c'est pas possible. C'est vrai, j'ai pleuré. Toutes les larmes de mon corps cette semaine-là parce que j'en pouvais plus. C'était trop. Alors qu'au final, c'est pas grand-chose, mais c'est vrai que sur le coup, quand ça t'arrive. Ça sort de ta zone de confort. Mais oui, c'est ça. Mais moi, il m'arrive toujours quelque chose. C'est ça qui crée ton charme, Sarah. C'est pour ça. Oui, s'il t'arrive toujours quelque chose, viens jamais ici. Bah, à chaque fois que je vais au resto avec ma copine, elle fait un accident. Bah, aujourd'hui, on a été au resto toutes les deux, elle a fait un accident. Quoi. Putain, bah attends, mais. Alors là. Mais wesh. Non, mais là, stop. Attends, 2 secondes. Elle a fait un accident. Non mais alors toi tu portes malheur, ça va. Ouais. T'as beau être la plus bonne des bonnes de tes copines, jamais je ne ferai de rancard avec toi parce que ça me fait peur. Vraiment, je. Non, franchement, faut pas. Mais faut pas qu'on m'évite. Non, il y a 3 semaines, on a été manger. Elle a accroché tout le plan de sa voiture. Et aujourd'hui, En même temps, c'est normal, vous allez au restaurant, vous buvez je sais pas combien de litres de vin, donc quand vous sortez de là, voilà. Avant d'y aller, non, mais c'est pas vrai, c'était avant d'y aller. Avant d'y aller ou après, c'est la même. C'est ça, t'es bourré avant de boire. on te fait un bisou, Sarah, grand merci à toi. Bisous à vous. Transport en commun. Merci à vous. Ouais, allez, au revoir. Franchement, ouais. Non, c'est le gars d'avant qui doit prendre des transports en commun, parce que je crois que lui, il a vraiment la poisse avec la voiture. Ah ouais, non, la voiture voulait pas de lui. Il faut qu'il prenne un vélo, lui. Bisous. Merci, Sarah, pour ta bonne humeur, c'est super. Cool. Salut Sarah. Au revoir. Allez, au revoir. Reviens plus jamais, poisseuse. Arrête, laisse-la. Elle revient quand elle veut. Non, mais puis quoi encore. Raïl est là. Salut Raïl. Allô Raïl. Raïl une fois. Raïl deux fois. Raïl. On n'a pas Raïl. On a par contre Sébastien. Salut Sébastien. Oui, salut. Et Sébastien dans la maison. Mesdames et messieurs, tout de suite, on va jouer au dragophone. Yeah. Avec Raïl quand on aura la connexion avec lui. Oui, peut-être. Raïl, Sébastien, non. Sébastien, Raïl, peut-être, je ne sais pas. Sébastien, tu viens de quelle ville, toi, dis-moi? Je crois qu'on nous entend pas bien au standard. Je vois pas ce standard, les gars. Oh, Raïl! On dirait que le standard, il nous fait des petites merdes. Ça a un peu arrivé, de temps en temps. Mais en attendant, on est là, les amis. Avec Imagine Dragon, ça s'appelle Bad Liar. Et merci pour tous vos messages que vous envoyez ce soir. Bisous à Shaima aussi, qui est connecté. On arrive. Vince est dans la maison. C'est bien de chuchoter comme Vince ça. T'étais fixe qui va arriver. Ouais. Maison. Téléphone maison. Hush, my dear, it's been a difficult year. Terrors don't prey on innocent victims. Trust me, darling. Trust me, darling. It's been a this year. I'm a man of three fears. Integrity, faith. Trust me, darling. Trust me, darling. Look me in the eyes. Tell me what you see. Perfect paradise. Tearing at the seams. I wish I could escape. I don't wanna think. Wish I could. Dreams never mean one thing. Cause happiness lies in the diamond ring. Oh, I've been asking. Oh, I've been asking for problems, problems, problems. I wage my war on the ones inside. Ce n'est pas grave. C'est pas 15. Tu peux rater l'émission deux fois, mais... pas 15. Tu peux rater l'émission trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois. Dix fois, onze fois, douze fois, treize fois, quatorze fois. Pas 15. Vince, 21h minuit, sur Énergie. Et merci pour tous ces messages que vous envoyez sur le WhatsApp 0492 222 002. J'ai pas eu l'occasion de lire tout le monde, mais il y en a vraiment beaucoup là. Merci à Booba qui est connecté. Bonsoir à la team, j'espère que tout se passe bien. Moi je suis au boulot et je vous écoute tranquille, ça fait trop plaisir de vous écouter. Merci beaucoup. Vince, on n'a pas eu la chanson de la rade hier. Grave, c'est vrai, on a oublié de la passer en fin d'émission. C'est vrai, là. Ça. Ah bah attends, on va se rattraper ce soir. Il faut me le rappeler en fin d'émission, Romain, je compte sur toi. Hein. Vince, ma pire poisse c'était dans la même journée. J'ai cassé mon tel iPhone 6S quand il est sorti. Je crois que c'était en 2015 ou 2014. Je l'ai cassé en montant les escaliers pour monter chez mon voisin. Depuis ces jours, je suis plus jamais monté chez eux. Oh mais en tout cas, merci pour ton message. Petit Cheyenne qui nous envoie bonsoir, bonsoir. Vince, photo de Mouch de Neupré, Antoine, 15 ans là. Ah, une petite vache, un agneau, un truc dans le genre là. Coucou à Geoffrey qui m'envoie du son là. Bande originale du film La Chèvre, carrément. Il y a Miguel qui est connecté également. Envie quoi, Vince, envoie le son que tu viens de passer, s'il te plaît. C'est Imagine Dragons avec Bad Liar là qui vient de passer. Maintenant je peux pas te l'envoyer, ce serait du téléchargement illégal, monsieur, sachez-le. Ou sinon juste avant il y avait Bad Bunny avec Drake Mia là. Vince, ma poisse c'est que 1000 personnes qui marchent et je suis le seul qui me pète la gueule. Ouais, ça nous arrive à tout ce genre de délire, hein. Et salutations à tous les nouveaux, hein, que ce soit Rachel qui est dans la maison ce soir, quelqu'un qui m'a envoyé bonne émission les amis, bah, merci à toi. Et il y a Thomas Simonis là. Vince, aurais-tu me faire une dédicace s'il te plaît? Une grosse dédicace à toi mon pote, merci pour ton message aussi. Myriam qui m'a envoyé un petit texto là concernant la fameuse grève là. Visiblement les examens sont maintenus en Belgique, hein, dans pas mal d'écoles, notamment à Bruxelles. Les examens ils les changent pas, à savoir qu'il y a grève générale vendredi, on en parlera demain du coup, et certaines écoles ont annulé les examens et ont reporté ça à janvier. D'autres bah malheureusement ils maintiennent les examens, enfin malheureusement, heureusement. Bon courage pour vous déplacer jusqu'à l'école, hein, si vous avez le train et tout ça, ça va être galère ce vendredi. Vince, permettez-moi de vous dire que vous êtes une équipe formidable. On reçoit votre sincérité. Oh, c'est trop gentil. Bah, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ce message-ci là, d'ailleurs, en note vocale, écoutez ça là. Toute l'équipe, Zach est dans la maison. Je tiens à vous remercier pour votre émission, votre joie de vivre et la bonne humeur que vous nous vous partagez avec nous chaque soir. Les températures ont bien chuté dernièrement. Ça fait froid, là, je suis en balade nocturne avec mon chien et je vous écoute et ça fait plaisir. Continuer comme ça, je vous remercie. Oh là là, wow. C'est extra. Et il m'envoie une photo de son chien, sa chienne, pardon, mais qui est vraiment, alors là, qui est vraiment. Gel, ah ouais, magnifique, c'est un malinois ça. Ouais, ouais, très très belle chienne. Hein. Voilà, Nigel, je vous explique. Nigel, il est caché là, il est en loose day, il a envie de faire une blague. On a un nerf, tu sais, les pistolets nerf. On attend qu'il y ait Eddie qui rentre, je crois qu'il est aux toilettes. Et Nadja a envie de lui faire une balle dans la tête. Qu'il est aux toilettes, là. De ouf. Bon, les dragophones, on le lance tout de suite sur Énergie, bougez pas, le programme continue, on a encore pas mal de conneries. Oh. Chaque matin, vous vous réveillez avec Énergie. C'est le 6-9. 50 nuances de Grey. Non. Ah ouais. Ah, ça, c'est un beau film de Noël, la maison famille. Le 6-9 sur Énergie. 6h-9h. Dès demain, 6h. Marco, Jérém et Frisco vous offrent vos vacances. 2000 euros pour le soleil ou le ski en France. You fight like hell, but you're barely alive. Work so hard, just try to survive. Head's underwater and your hands are tied, I know. Dream so big, eyes are wide. That's the kind of life that I can't provide. It breaks my heart how you feel tonight, I know. Lean into me, with you back in your mind. When you're broken inside, ooh, lay your worry down, lay your worry down, lay your worry down on me. Ooh, lay your worry down, lay your worry down, lay your worry down on me. Never there, take no time coming up for air. There's a deeper feeling that this life's not fair, I know. Lay your worry down on me. Lay your worry down, lay your worry down, lay your worry down. Interagis en direct avec Vince sur Énergie avec WhatsApp. Laurine est dans la maison sur Énergie. Kevin est dans la maison sur Énergie. Naomi est dans la maison. 0492 222 002. 0492 222 002. Alors moi, mais j'avais un examen histoire vendredi et ils l'ont déplacé à vendredi passé parce qu'on n'avait pas d'examen. C'est pas juste. Du coup, on a congé, ce qui est plutôt pas mal. Attends, mais c'est pas juste. Déplacé, donc le vendredi, vous avez un examen, mais vous l'avez déplacé la semaine d'avant. Mais c'est pas juste, ça te fait beaucoup plus à étudier d'un coup là. Ouais, c'est bizarre ça. C'est quoi ce truc Non mais bon, tant mieux, si jamais vous démarrez donc, du coup plus tôt en vacances, bah voilà. Vince, moi mon examen est annulé définitivement. Bonne chance à tous ceux qui passent les examens là. Merci Vince de m'avoir écouté et encore merci de m'avoir pris à l'antenne une fois l'émission terminée pour me faire une dédicace parce que j'avais pas su écouter l'émission. Je vous kiffe. Merci en tout cas pour ton message là, Michele, c'est super cool. Yassir aussi là. Moi j'ai congé vendredi. Ah bah c'est bon ça, tous ceux qui ont congé là. Geoffrey, il nous dit quoi Geoffrey là? Un routier avance tranquillement sur l'autoroute. Oula, au une loin, blague. Il voit un homme tout nu attaché à un arbre. Il s'arrête sur le bas-côté, descend et va trouver l'homme. Il dit qu'est-ce qui s'est passé? Oh, m'en parlez pas, je me suis fait agresser. Les hommes m'ont tout volé, ma voiture, mon portefeuille, tout. Ils m'ont déshabillé, m'ont mis tout nu et m'ont attaché à l'arbre. Et là le camionneur enlève son pantalon et lui dit: c'est pas ton jour de chance. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, c'est horrible! On dirait un délire à la Pulp Fiction là. Bon, je suis beau. What the fuck là? Manou, je te dédicace à Doug qui rentre du boulot là. Dédicace passée. Si jamais vous voulez faire des dédicaces, les amis, il suffit d'envoyer hein, 0492 222 002 sur WhatsApp. Est-ce que Raïl nous entend? Est-ce qu'il est connecté avec nous? Allô Raïl? Raïl en maison! Ouais, sur Énergie! Merci! Voilà qui fait plaisir! Ça va Raïl? Ça va et vous? Ça va bien, tu viens de quelle ville dis-moi? Bruxelles! Ah. Bruxelles, Bruxelles, V! Ouais. Bienvenue à toi Raïl sur Énergie! T'étais en. Tout à l'heure on n'arrivait pas à t'avoir parce qu'en fait t'étais en train de récolter de. Voilà, l'argent de la course! Ouais, c'est ça, voilà, exactement! T'es taximan ou c'est comment? Ouais, je suis chauffeur taxi! Ah, félicitations, ça va, ça se passe? Ça va, tranquille. Ah bah parfait. Alors, Raïl, bienvenue à toi mon pote. Ce soir, tu affrontes Sébastien. Est-ce que Sébastien est toujours connecté avec nous? Oui, Sébastien. C'est ma maison. Formidable. Attention, Sébastien contre Raïl. Honneur au premier venu, c'était Sébastien. Sébastien, avec qui tu voudrais faire équipe ce soir entre Nigel, Lara, Eddie, Thibaut et moi-même? Avec Nigel. Allez. C'est validé. Équipe avec Nigel. Moi je voulais pas avec toi. Et Raïl, il te reste Lara qui est très très forte au dragophone. Je te conseille de miser sur le bon cheval parce que moi je suis vraiment une merde à ce jeu là. Et sinon il te reste Thibaut. Et Eddie qui est aux toilettes. Je vais prendre Nigel mais je prends Lara alors. Eh bah parfait. Fight ce soir entre Lara et Nigel. J'espère que vous êtes prêts. De dingue. Attention, qui va gagner ce soir entre Lara et Nigel? C'est ce que nous allons découvrir dans quelques instants sur Énergie. Dans quelques secondes bien sûr. On va commencer avec qui? Honneur aux dames, la team Lara, c'est Raïl. Raïl, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Raïl, le principe est simple, il faut téléphoner à quelqu'un et tenter de se faire inviter en moins d'une minute. Smoke weed every day. Smoke weed every day. C'est parti, on lance ça tout de suite, on appelle. Let's go. Bon courage, mon pote. Merci. Faut bien sûr préciser, là, maintenant, tout de suite, il faut venir. Allez, Raïl! Pas demain, pas après-demain, tout de suite. Bah, tout de suite, c'est messagerie. On rappelle ailleurs. C'est gagné. Hop là, c'est reparti, on rappelle ailleurs. Mister X qui est connecté là, Hamza. Salutations à lui. Choisissez Thibaut et dit une fois, Ryan qui nous dit ça. Ah, bah, c'est les auditeurs qui choisissent. Ils ont déjà été choisis. Ouais, c'est vrai. Mais pas souvent. Ah ouais, mais bon. Les pauvres. Si tu veux en même temps. Qu'est-ce que oui, allô? Oui. Oui, bonsoir, monsieur FCRS pompier. Allô? Allô? Oui, c'est l'FCRS pompier, monsieur. Oui, c'est pourquoi? Oui, vous m'entendez? En fait, on nous a signalé une anomalie et il faudrait qu'on vienne vérifier chez vous à la maison si tout va bien, monsieur. Non, la maison, elle est en train de brûler, monsieur. Oh. Bah, justement, on nous a signalé une anomalie. On doit passer vérifier si tout va bien dans le quartier. Oui, bah, passez vite. Vous pouvez venir maintenant, tout de suite. C'est gagné. Ouais, passez vite. On va être obligé de fracturer la portière, putain, monsieur. Quelle chance. Eh ben, Raïl, mon pote, c'est gagné parce qu'il a dit oui, venez. Eh ben, alors là. 24 secondes! Ouais, bravo! Wow. Eh, je suis content pour lui parce qu'il voulait faire équipe avec moi. Du coup, bravo. Bah, il fait équipe avec moi. Gros respect, mon pote. Hein. Petit message de Salouma, là. Ouais, merci. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. J'ai fait un audio, mais genre, il n'y a personne qui a écouté. Mais si. Voilà. Mais si, on l'a fait. On les gens sont impatients. Moi, je veux devenir youtubeuse, mais je sais que c'est pas un métier, mais pour moi, c'est un métier. Hein. Bah, bien sûr. Aujourd'hui, hein. Aujourd'hui oui. Ouais, aujourd'hui tu peux être youtubeur, y'a pas de problème. Hein. Pour avoir des idées, voilà. Pas envoyer des notes vocales de merde comme ça. La Nigel, purée, laisse-la envoyer. Voilà, toi aussi. Laurent. Lara contre Nigel, le classico. Voilà, et pour l'instant, avantage pour la team Lara avec Raïl 24 secondes. Attention Sébastien, est-ce que t'es prêt? Oui, je suis prêt. C'est parti Sébastien, attention. Alors les subs. On téléphone à quelqu'un au hasard. Nigel, il encourage pas ses troupes. Là, il s'en fout lui. Mais non, parce que Sébastien, pas besoin de mes conseils frérot, tu sais comment tu dois le faire. Allez, on y va. Si ouais, on va essayer. Si tu fais pas bien, je t'en prie. Ouais. Oh. C'était gratuit. Oh. C'était pas nécessaire. Ben non, ben non, Fais en moins de 24 secondes. Ah, 24 secondes l'autre. Si tu veux pas avoir des problèmes. Il faut que ça décroche, attention. Ouais. Bah oui. Et Sébastien, il m'envoie plein de points d'interrogation. Tu fais le jeu ou pas? Bonjour, John. John. On rappelle ailleurs. Hello, John. Hello. Sois patient. Your call cannot be taken at the moment. J'ai ses auditeurs décidés. On fait qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien ou pas les auditeurs? Of course. Please try again. Please try again later. On rappelle plein d'endroits à la fois, hein. Ouais. C'est marrant, ça sonne diffé. Rarement. Peut-être un autre opérateur. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur, je vous téléphone. Je suis en panne dans la rue avec ma voiture. Et je serais pour savoir si je pourrais venir chez vous, car je suis avec ma femme et mes enfants. Et là, il était vraiment en froid. Est-ce que je peux venir chez vous? Vous rigolez ou quoi? Allô? Ouais. Ah! Il a dit oui? Non, il a dit oui à allô. Ouais, effectivement. Est-ce que je peux venir chez vous? Ouais, bah vas-y, bien, qu'est-ce que t'attends? Allez, c'est bon, c'est gagné, c'est gagné, c'est gagné. Ouais, oh mon dieu! Mais qu'est-ce qui se passe? Sébastien! Yes! Exactement, 18 secondes, mesdames et messieurs! C'est pas vrai! Ça veut dire qu'il faut que je fasse plus vite que 18? Ouais. Allez, on essaye. Waouh! Et 18 secondes, alors là. Ah, je suis sous le choc, hein! On a bons auditeurs, ça! Bah, les deux, ils sont arrivés, les deux, ils sont arrivés en ouais. tout cas. C'est déjà magnifique, je veux dire. On est bien d'accord, pour l'instant, c'est Sébastien qui l'emporte. Et ce soir, c'est chaud, dis donc. Hein. Ouais, y a tout le monde qui dit oui pour le cul de Damien, là. Ok, très bien, c'est noté. Merci pour vos messages sur WhatsApp. Vince, pourquoi tu passes plus mes notes vocales de la part de Damien? Mais parce qu'il y a tellement de messages que parfois je les rate, hein, Damien, comme ça, tu sais. D'ailleurs, c'était quoi ta note vocale? Oh, un truc dans le genre! Ben voilà. Merci pour ce message. Et encore un autre. Tu ne me vois pas. Voilà, et encore l'autre. Voilà, c'est tout ça qu'il m'envoie le soir, hein, comme ça vous savez. Il m'envoie ça aussi. Et il m'envoie ça aussi. Il adore, hein. Bon, attention, Lara, est-ce que t'es prête? You ready? Oui, je suis prête. C'est quoi le style de Lara? Oh non. Ah bah tiens, on n'y a pas pensé. Si, on y a pensé. C'est quoi? Mais sauf que Thibaut n'a pas imprimé le papier. Ah, Thibaut, c'est quoi le style de Lara? Vas-y, dis-nous là. Quoi? Bah ouais, mais moi j'ai pas défini. Les gars, arrêtez de jouer aux couilles, vous avez pas précisé le style que Lara allait nous donner. Allez, donne-moi un truc. Non, tout à fait, j'ai pas précisé. Ok, bah tu sais quoi, t'es prête pour ça? Oui. Ok, Ray Charles, allez, hop là. Mais c'est quoi? Je sais pas, c'est Ray Charles, c'est tout. Mais il a juste des lunettes. C'est tout, j'ai pensé, bah ouais, il a des lunettes, c'est vrai, c'est pas facile à animer. Ok, alors tu sais quoi, tu vas me faire un mec qui parle vraiment bizarrement là. Booba, t'es bâti Booba, tiens, allez, hop là, c'est fait. Voilà, ouais, je dis. Ouais, je dis. 9-2, il dit. 9-2, il dit. Pardon, j'essaie de faire l'autotune. Allez, bon courage, là. Allez. Allez. Bonjour. Oh, rappel ailleurs encore, là. Toutes les journées grosses, c'est Wednesday. En même temps, on appelle tard, hein, 23h14. Des gens qui dorment, les amis. Allez. Avec ma petite fille, rest in peace, Omar. On m'a été transféré, quoi. Allez, les gars. J'en fais dodo, là. Ah, qu'est-ce qu'ils pensent? Allez, les gars. Putain. Allez. Les décrochés à votre téléphone qui sont, là. C'est le bonsoir de Boulbu. Bonsoir à tous, je suis nouveau. Bienvenue à toi sur Énergie. Merci pour ton premier message. À l'antenne, là, sur je WhatsApp. Je me suis fait dans la rue. C'est qui Cédric. Va m'arrêter pas la 3G? Oh. Et si vous voulez aussi que je lise votre message à l'antenne, vous êtes nouveau, 0492. Tu refus. 0492 222 0002. Je me mets dans le personnage, t'as vu. 0492 222 0002. Ah bah dis donc là, qu'est-ce qui se passe? Les exemplaires de Booba Orly West n'aura pas lieu. Ouais, je caresse. La République, monsieur, je te suis haut. Ah non, ça c'est l'autre. C'est Carice. Ouais, mais c'était un. Et on est en train d'appeler full numéro, y'a rien qui décroche. C'était Booba Carice, quoi. Bah, tout le monde dort à 23h15 un mercredi. Ouais, la nuit. Ouais, après, je sais que tu vas dodo, tu vois. Ouais, c'est vrai. Allez, les mecs, putain, les filles, les demoiselles, là, les messieurs, là, on est en train de vous appeler, décrochez votre tel. Big up à Seba, c'est le parrain de ma fille. Leïla. Yeah. Yafa cake. Eh, c'est galère, hein. Eh oui. Ouais, bonsoir, c'est... l'équipe. Allô. Bonsoir, Marco. Ah merde, je crois que c'était. C'est pas du tout Booba en plus. Non. Allô. Je suis sûr, Damien, il aimerait bien se faire prendre à l'antenne. Ah bon, allô. Pas jusque-là. Ah, allô. Allô. B2OBA. En ligne. J'arrive chez toi maintenant. On arrive à 3 parce qu'on est trop balèze. Ok. Ok. Ah oh non. Mais c'est impossible. On a une info, on a une info. C'est qu'elle a décroché mais elle a pas parlé en fait. Ouais. Et comme on était en train de faire les cons, mais on n'a pas entendu. Mais elle a voilà. Dit allô. Ouais, mais elle a dit allô, mais elle avait déjà entendu qu'on avait fait les cons ouais, avant. Je vais devoir refaire Booba. Tu les gens, ils appellent, ils disent pas allô, ils font là, ils écoutent. Ouais, mais au pire, hey, vu que ça répond pas, on a perdu. Ouais, normalement j'ai perdu, mais on peut. Ouais, effectivement. Ouais, non, mais là ça va plus décrocher. On va bien tenter pour Nigel, mais. Ouais, vas-y, on veut pas tenter. Vas-y, on tente pour Nigel, hein, malgré tout. Nigel, attention, Nigel, parce que ton c'est style, pas c'est. Lui. Mais si. Lui, il a gagné 18 secondes. Oui, mais c'est pas grave, il joue quand même pour le beurre avec Caris, tiens. Allez, hop là. Pour le beurre. Non, fait Booba, l'autre Caris. Du beurre. L'argent du beurre. Toi, tu fais Caris. Caris. Avec son gros doigt de pied, là. Damien, qui me dit, est-ce que t'as vu mon anus, quoi? Non, je regarderai pas ta photo, Damien. Il est ouf ou quoi? Il m'envoie des photos bizarres, là. Oh mon dieu, non, putain, pourquoi j'ai regardé? Non! Quoi, il a vraiment envoyé son truc? Non! Damien! Allô? Allô? Ya. Yeah. Ya, bonjour. C'est bien, moi, c'est Caris, frérot. Yeah. Hey, y'a que des ficelles de string qui te soutiennent, je te baise et les draps s'en souviennent. Je peux venir chez toi ou pas? Ouais, y'a pas de problème. MC, t'es prêt à tout, mais t'es bon à rien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Hey, je t'arrache la gueule comme un piranha, tu reviens à chaque fois comme Rihanna. Eh ouais, frérot. Et sinon, ouais. Si je te fends le crâne en deux, quel œil va se fermer le premier? Ouais. Et vu d'en bas, c'est une montagne, mais d'en haut, ce sera qu'une descente, hein, fille. Ouais. Bah c'est gagné, la gueule. Non, bah, alors, comment là, il fait, ce type? En quelques secondes, hein, en quelques secondes. Donc la team Sébastien et John. Il a de la chance, lui. Il a du cul, lui, il a le cul bordé de nouilles. Il a un énorme cul, ouais. T'as fait ça en 10 secondes. Bravo, voilà. Plus, c'est insolent tellement il le fait super vite. Mais t'as vu ce que je lui ai dit en plus au début? Peut-être jeune de Caris. Exactement. Sébastien, bravo mon pote, c'est gagné, félicitations. Ah, terrible. Voilà, ne raccroche pas en pratiquant de rantaine, on t'envoie un cadeau, mon pote. Bientôt, à bientôt. Merci. Allez, vas-y mon, vas-y, on t'écoute, bien sûr. C'est une dédicace à ma femme et à tous ceux qui m'écoutent. Et big up à l'équipe, continuez comme ça, vous assurez tous les soirs. Yeah! Oh, j'adore quand on dit des trucs comme ça. Oh yeah, je danse, ouais. Living my best life. Et merci Sébastien. On te souhaite une bonne soirée. Merci Sébastien. Bientôt sur NRG. Bisous Sébastien, à bientôt mon pote, ciao. Ciao. Raïl, est-ce qu'il va? Et Raïl, la déception de Raïl là ce soir. Comment tu te sens, Raïl? Non, ça va, reste à lui, il a ouais. Gagné. Mais toi aussi, reste pas à toi, t'es le premier gagnant de ce soir quand même, t'as fait du bon, bravo. T'as fait du bon taf. La Raïl. C'était bien, c'était fort. Et un gros big up à vous, continuez comme ça, franchement, vous êtes top. Big up, Raïl. Merci mon pote, que tout se passe bien. Salut. Ce soir, dépose-moi gratuitement, s'il te plaît. Reste calme. Exactement. Tu vas faire Belgian Raïl, toi. Attends, il a dit à quelle heure il a demandé. Écoute l'émission et tu verras à quelle heure je termine. T'es dans la bulle. Si jamais pour Nigel ou pour Eddie là, José de Louvain, 775 minuit et demi. Minuit 30. Voilà. AMR. Juste tu mets sur ton GPS énergie, va trouver, t'inquiète. Grave. Allez. T'inquiète, je connais. Allez, salut. Bisous, Raïl. Ciao, ciao. Allez, bon, les amis, tout de suite, enfin, parce qu'on devait passer la musique depuis un moment. Là, hein. Calvin Harris, Sam Smith, ça s'appelle Promises. C'est TFX qui va arriver sur Energy. A voir, hein, parce qu'il est tard. Et je vois les équipes qui sont en PLS, là, en mode oh, attention, Vince et tout, comment ça va être tard, machin. Et qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien aussi? Ça va arriver, là. Damien, arrête de m'envoyer tes photos dégueulasses. On fait le jeu, mais tu vas trop loin dans tes photos là. Je me sens pas bien. Tu m'envoies les photos que Nigel il m'envoie quand il va aux toilettes. Sauf que lui, c'est vraiment bien hardcore. J'ai pas envie de tomber dans le scato, s'il te plaît, Damien. Restons calmes. Hein. Allez, on arrive. Encore tout un programme à faire ce soir sur Énergie. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm healing out, energy taking control. I'm speeding up, my heartbeat's dancing alone. Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Le soir, dès 21h. She said, do you love me? Tell her only partly. Vince. 21h minuit. Vince est sur Énergie. Vince est sur Énergie. Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien? Ouais. C'est parti! Ah là là, le jeu vous attendez depuis un petit moment, c'est quoi? Ben Damien, c'est un auditeur très fidèle. Trop fidèle! Non, je déconne, on l'adore Damien. Il nous envoie des trucs très très chelous très souvent. Et Damien, en gros, il nous envoie des photos de son derrière. Il travaille dans un snack quelque part à Bruxelles, on ignore lequel, on ne connaît pas sa tête. Enfin, un jour, il m'envoie une photo de sa tête. Et voilà, ça m'a resté gravé dans ma tête. Ok. Complètement. Donc, je pourrais le reconnaître. Si je le croise dans la rue, je pourrais le reconnaître. Mais encore, faut-il que j'y pense, bien sûr. Hein. Et lui, il nous envoie toujours une photo de son derrière et il va prendre des aliments dans l'endroit où il travaille. Et il se les met entre. Il les coince entre ses fesses. Voilà, il les coince entre ses fesses. Et à chaque fois, on doit essayer de deviner. Et c'est n'importe quoi ce jeu. Hein. Ouais, c'est vraiment n'importe quoi. C'est parti du hasard et on en fait un délire dans cette émission. C'est un truc de ouf. Donc voilà, n'hésitez pas. Il a encore mis un truc ce soir. Il a encore mis un truc ce soir, de nouveau. Donc si jamais vous voulez jouer avec nous, il n'y a pas de problème. Vous proposez au numéro WhatsApp. Donc d'abord, il faut l'ajouter à vos contacts, le numéro, hein, c'est 0492 222 002. Pour les Français, le 0492 222 002. Ouais, parce qu'il y a des Français qui nous écoutent pas mal à la frontière. Il est 23h23. 23h23, mesdames et messieurs. Wouh. Ça, c'est mon préféré de la race, ça. Un petit 23h23 là. Un moment de symétrie parfaite. Ça fait bien. Et les éléments s'alignent. Vous pouvez faire un vœu. Mais c'est fini, 22h24 maintenant. Hop là, 23h24. Pardon. Dommage. Bonsoir Vince et Mister Rick. Ça fait un moment que je vous ai pas envoyé de message car j'étais très occupé. Comme tu sais, je suis chauffeur de la STIB. Il n'y a pas de grève pour la STIB ce vendredi. Bon à savoir. Ah, bien. Très bien, merci pour l'information. Les amis, qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien? Il faut tenter de le deviner. J'espère que vous êtes prêts. Damien, d'ailleurs, oui. Tu m'envoies une note vocale. Le jeu de Damien, c'est le jeu du moment. Il adore son jeu, il adore. Une patate. Bonsoir à tous, vous gérez trop, bravo à Seba, message bien passé aussi. Une patate, ce n'est pas une patate. Un radis. C'est pas un radis non plus. Une banane. Toi Thibaut, tu proposes quoi? C'est pas une banane. Une carotte. Ce n'est pas une carotte non plus. Un céleri, comme Geoffrey a proposé exactement la même chose. Non, c'est pas ça. Nathalie qui me dit merci pour l'info à l'auditeur pour la STIB. Ouais, parce qu'évidemment, on est des gens, ça leur sert quoi. Vince, moi je dis le jour où je vais dans un snack à Bruxelles, je crie Damien pour être sûr de rien manger qui sort de son cul. Bien vu, dit. Exactement là. Leïla est dans la maison. Ah, coucou Leïla. Merci à toi pour le message. C'est pas une banane, donc une banane, Monia. Jonathan, hamburger non plus. François Arthur Morgan, non, rien à voir avec Red Dead Redemption. Du persil. Non plus. Il nous dit quoi, Damien? C'est un aliment surtout utilisé en période de fête. Oh là, un 10 de ouf qu'il vient de donner. Une dinde. Non, il a pas mis une dinde dans son cul. Une biche. non plus. Je veux le terme exact, attention. Hein, du foie gras. C'est pas une bûche, non plus. Ce n'est pas un poireau. Du saumon. Ce n'est pas une croquette. Ce n'est pas du saumon. Si jamais je lis pas votre message, n'hésitez pas à le renvoyer, hein, parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui arrivent. J'ai peur de le rater. Champagne. C'est pas du saumon. C'est pas du champagne. Ce n'est pas du foie gras. Du caviar. Ce n'est pas du salulatim. Geoffrey, big up à toi. Caroline Delaye, non plus. Du fromage proposé par notre amie la luxembourgeoise Rachel. Non, ce n'est pas ça. Du caviar. Du caviar, non plus. Ah, c'est du boudin au chou. Ouais, j'ai envie de dire GG. Ouais, Tommy est dans la maison. Bonjour Amish. Salutations les potes, merci pour le message. Vince, tu peux faire dédicace à Carmen, mon amoureuse, s'il te plaît. Merci You de la part d'Ozil. Et bisous Carmen. Très beau prénom, j'aime bien ça, Carmen. Carmen, c'est beau. Hein. Ouais. Langoustine de la part de Caroline, non plus. Bûche de laine de la part de Ryan, non plus. Nathalie nous propose un potimarron. Un potiron, je crois. Potiron, potimarron, polycroque. Non, tout ça, c'est pas ça. Une bûche, non, Jessica. Des airelles. C'est quoi des airelles, Lara? Tu vas m'en prendre? C'est un petit truc rouge comme ça. C'est comme, je sais pas moi, comment est-ce qu'on explique des RL. C'est comme une sauce que tu mets avec de la viande et tout. D'accord, mais ce n'est pas ça. Une bûchette non plus, un toast non plus, boudin non plus, chocolat non plus. 0492 222 002 si vous avez une idée à proposer sur le numéro WhatsApp, les amis. D'après vous, qu'est-ce que ça pourrait être? Chocolat, non. Une bûchette, j'avais dit non. Du chocolat non plus. Un homard non plus. De la groseille non plus. De la farce non plus. Une feuille de salade a été proposée. Par Madi et Kimi, non, c'est pas ça. J'attends parce que Salouma qui m'envoie coucou. Non, mais Salouma, pourquoi tu m'envoies coucou toi aussi? Rav qui me dit, bah coucou à toi. Rav qui me dit caviar, pain saucisse, lumpia, c'est pas ça non plus. Marco, bacalao, c'est pas du bacalao. Omar non plus, du chocolat non plus, une dinde, des huîtres, du fromage, c'est pas ça. Qu'est-ce que Damien a mis entre ses fesses là ce soir, d'après vous? Un sucre d'orge non plus, croquette au fromage non plus, boudin. Non plus, c'est toujours pas du boudin. Ah, ça galère ce soir. Hein. T'as une proposition peut-être, Thibaut, là. Vas-y, je sais pas. N'importe quoi qui te passe par la tête. Des crevettes. Non, c'est pas des crevettes. C'est pas du vin, c'est pas des marrons. Merci à la personne qui nous a envoyé son message pour la première fois. Des petits fours. Non plus, ce n'est pas des petits fours. Huîtres, non plus. Du chevreuil, non plus. Bon, Damien, on a besoin d'un autre indice, hein, mon pote, hein, parce qu'on est en train de galérer, là. Hein. Bon, écoutez, l'indice de Damien, là, c'était ça qu'il avait dit. Le jeu de Damien, c'est le... Non, non, c'est un aliment surtout utilisé en période de fête. Voilà, si vous avez une idée, vous pouvez envoyer en texte ou en note vocale. Bacalao. Non, on a déjà dit que c'était pas du bacalao. Je l'ai envoyé deux fois. Est-ce une que c'est bûche, sucré ou salé? Asperge non plus. Sucré ou salé? Salé? C'est salé. Des rillettes? Non, c'est pas des rillettes. Attends, il est 28 et je reçois les messages de 25. Du homard. C'est pas du homard. Non, désolé. Croquette non plus. Les gars, je constate un truc. Quoi? C'est que vous avez refait planter le WhatsApp. Il y a trop de réponses. Il va falloir être calme. Il va falloir essayer de développer son ki intérieur. Vous êtes trop nombreux à envoyer des messages. Vous avez refait planter le WhatsApp. En fait, il est 26, je reçois les messages de... Non, il est 28, je reçois les messages de 26, là. Donc, on a une petite latence, malheureusement. Mais alors, moi, je peux proposer, peut-être. Bah, propose, vas-y. Hein. Qu'est-ce qu'on mange pendant les fêtes? Je sais pas, moi, j'ai dit du homard, c'est pas du homard. Mais j'avais dit que c'était pas ça. Coquille Saint-Jacques, m'est envoyé. Des huîtres? Non, c'est pas une ça. Une bûche des de huîtres, Noël. Non plus, c'est pas une bûche de Noël. Il me propose quoi? Non, franchement, Damien, j'ai demandé un vrai truc, sérieux. Non, c'est pas de la soupe. Un scampi? Non, c'est pas un scampi. Une langoustine? C'est pas les coquilles Saint-Jacques, j'ai l'ai dit plein de fois. Une dinde non plus, c'est pas une dinde, c'est pas une langoustine. Ce n'est pas une poire, ce n'est pas du cougnou, ce n'est pas une truffe. Ah oui, de la truffe. Ça se mange jamais. Foie gras non plus, canard non plus. Moi je connaissais pas. Hein. Chocolat? Je vais pas vous mentir, moi je connaissais pas quand j'ai vu. Hein. C'est pas du chocolat. Langoustine. Ah, le chocolat, bien vu. Qu'est-ce qu'on mange pendant les fêtes? Tartiflette. Tu manges de la tartiflette pendant les fêtes? Bah oui. Tu as le droit. Bah au marché. Du coup, de Noël, ça fait de la tartiflette. Non, c'est pas ça. Vous êtes endormis, les gens. Mais non, ça veut dire quoi, ça, wesh? Quoi, de la tartiflette? Ouais. Je sais pas ce que c'est. C'est une tarte qui flette. Tartiflette! Dans la maison. Praline, c'est pas ça. Chocotov, c'est pas ça. Rôti, c'est pas ça. Une pastèque, c'est pas ça. Confit d'oignon, c'est pas ça. C'est revenu alors? La farce, c'est pas ça. Ouais, ça se rétablit. J'ai toujours les messages un peu à la bourre. C'est du liquide pâté. Ou pas? Comment? C'est liquide ou pas? Non, c'est solide. C'est solide, mesdames et messieurs. Le cul de Damien, c'est une usine à poils. Ça, c'est effectivement la bonne réponse. Vince fait une dédicace au 3PA Mécanique Agricole. Message passé, Jérôme. Salutations à eux. Salutations, l'équipe. Merci d'être à l'écoute. Des œufs de long. Fromage non plus, c'est pas ça. Oh. Alors, spéculoos non plus. Vince, que c'est, on se trouve ça dans la mer. Alors oui, ça vient de la mer. Des algues. Des moules. Ce n'est pas une coquille Saint-Jacques. Des moules. Non, c'est pas des moules. Des algues. C'est pas des algues non plus. Du crabe. Et non, c'est pas du crabe. Mais des palourdes. Les gars,

they got my mind spinning. I got the keys to heaven now. Bays all around and they got my mind spinning. Suddenly doors just open wide. Doors open wide. Énergie. Allez, welcome sur Énergie les amis, j'espère que ça se passe bien là, 23h37, on a encore pas mal de trucs à faire ensemble. À savoir que, alors on me demande Vince, le TTFX, vous allez le faire ce soir? Oui, on le fait. Patience, patience les amis. Ça dépend pas que de nous. Mais je crois que la jeune femme qui est au téléphone flippe un peu. Ouais, je crois qu'elle a peur du résultat. Ouais, ben ça c'est la réalité du truc. Hein. Lara va tester la fidélité d'un gars. Un jeu qu'on a fait il y a des années, n'est-ce pas Lara? Oui, tout à fait. Et les auditeurs, les fidèles qui nous ont écoutés à une époque, là, quand on était ailleurs et tout, nous ont demandé, ouais, s'il vous plaît, refaites ça, c'est trop cool. En gros, c'est très simple. On appelle de la part d'une fille qui veut tester la fidélité de son gars, par exemple. C'est un des exemples. Et du coup, moi, je me fais passer pour quelqu'un qui aurait eu le numéro du gars. Exactement. Et on va voir un peu s'il est flexible ou pas, quoi. Voilà. Et ça, c'est la question. Et c'est ce que nous allons découvrir juste après, là. Des petits messages qui arrivent encore. Une noix de pétongle. C'est une bonne réponse, mesdames et messieurs. On sait pas ce que c'est, mais bravo. Une noix de pétoncle, j'ai découvert ce que c'était, je ne savais pas, je ne connaissais pas du tout. La noix de pétoncle, figurez-vous. Le cul d'Amiens, il y a eu pas mal de propositions. Vous savez que j'ai encore les propositions de 23h30 qui arrivent. Hein. Il est 23h38. Wow. Le WhatsApp a vraiment pété son plomb là. C'est très difficile de pouvoir le réutiliser. Thibaut, il est dépassé sur le WhatsApp aussi. Ça va Thibaut, t'arrives à gérer un petit peu ou Ouais, tranquille, mais bon, le WhatsApp il est foutu. Hein. Là, il est foutu. Mais t'es trop chaud. Ouais, vous envoyez des messages et il y a tellement d'auditeurs qui envoient en même temps que. Le système a planté. Effectivement, quelqu'un a trouvé la bonne réponse. C'était des noix de pétoncle. Mais qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai été voir. C'est une cousine moins onéreuse de la noix de Saint-Jacques. Une cousine moins onéreuse de la noix de Saint-Jacques. De la noix de Saint-Jacques. Noix de pétoncle. Allez, regardez ça. C'est pas ton oncle. Hein. C'est pas le pet de ton oncle non plus. On a déjà assez avec le cul de Damien. Mais ça ressemble à une coquille Saint-Jacques, mais c'est pas une coquille Saint-Jacques. C'est pas considéré comme la même famille non plus. Hein. Enfin, cousin, cousine. Ah oui, d'accord. Oh, ça fricote du coup, un on a été voir des vidéos des coquilles Saint-Jacques qui se déplacent dans l'eau. Je vous assure, c'est un spectacle. Moi, j'aurais jamais imaginé que les coquilles. Je pensais qu'elles se déplaçaient en ouvrant leur coquille, tu vois, avec l'eau, quoi. Genre. Elle sort sa langue et elle avance. Non, en fait, elle fait pas du tout ça. Elle reste fermée, elle est à la verticale et elle se. Je sais pas comment expliquer. Elle se jette comme ça, elle fait des bonds, quoi. C'est drôle, ça. Mais comment est-ce qu'une coquille Saint-Jacques fait des bonds dans l'eau? Et au fait, en parlant de mollusques, vous avez vu ce qu'il y avait dans l'aquarium? Là, les gars, je vous ai montré hier, là. Ouais, quelqu'un peut peut-être nous dire ce que c'est. Alors, on a besoin vraiment d'un auditeur qui pourrait nous expliquer de quoi il en retourne. On n'a pas compris. Il y a ma chère et tendre, mon épouse, ma copine, ma femme, ma moitié, qui m'a offert, quand je suis arrivé ici à Energy le 20 et tout, elle m'a offert un petit poisson qu'on a appelé Turkish Airlines. Oui. Voilà, on trouve ça mignon, c'est un poisson. Elle m'a dit, tiens, c'est un poisson, comme t'as un flemmard, tu vas oublier de lui donner à manger, il peut rester longtemps sans manger, il doit rester tout seul, etc. etc. Et bah, tant mieux, ce poisson est arrivé ici à la maison. Il y a un bel aquarium avec des accessoires, voilà. Tout ça. Des accessoires, le petit filtre, un petit régulateur de température, il est chaud, tout va bien, et ce poisson, il kiffe sa life. Et on a découvert quelque chose de particulier, de bizarre. Ce poisson était de base dans un sachet. On l'a mis dans un aquarium dans lequel il n'y a absolument rien d'organique. Écoutez bien ce qui s'est passé. Si quelqu'un peut m'expliquer le concept, mais je dis respect. Mais je viens de comprendre. Bah, tu viens de donner la réponse. Comment ? Mais il était dans un sachet. Mais l'eau qu'il y avait dans le sachet, ça vient de l'aquarium où il était avant. Ça avait, oui, mais j'ai demandé, il était esselé dans son aquarium. C'est pas de l'eau, c'est pas un poisson, il peut pas vivre avec les autres. J'ai oublié le nom de ce poisson. Mais il peut pas vivre avec les autres. Donc en fait, de base, il était déjà esselé. Dans de l'eau, voilà, il y avait. Oui, mais c'est peut-être bizarre, que ça. Dans cet aquarium-là, il y avait déjà. Parce alors attends, fait, parce que j'ai pas expliqué, fin, voilà. C'est ça. On a découvert, j'ai découvert ça vendredi dernier. Je regardais un petit peu, je me dis, ah, l'aquarium, il faudrait que je le lave. Qu'est-ce que je vois? Je vois une petite larve qui bouge dedans. Je me dis, putain, un parasite. Ouais. Et je regarde au bout de la larve. Et je vois un coquillage transparent. Mais genre tout petit quoi, 2 millimètres. En fait, c'est un mini, mais vraiment 2 millimètres, même pas 1 millimètre. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment minuscule, c'est super petit. Et on a découvert dans son aquarium toute une faune qui vivait. Il y a plein de petits mollusques qui ont fait leur apparition, mais ils n'étaient pas là avant. Alors on s'est bien sûr pas dit qu'on a créé la vie parce que c'est impossible. Là, tu y as cru un moment. Ouais, j'ai créé la vie. Et les gars, vous imaginez, on a mis les conditions parfaites pour la création de la life. Non, non, on s'est demandé où est-ce que c'était. Est-ce que c'était dans le corps du poisson? Genre des mini-mollusques qui étaient à l'état microscopique et qui ont évolué et qui ont grandi. Parce que là, maintenant, ça atteint les 1 mm, 2 mm. Et c'est méga interpellant, quoi. Ouais, mais c'est trop bizarre. Enfin, ouais, moi, j'ai pas compris. Tu sais que j'ai encore regardé tout à l'heure, là. T'as vu, alors mais en plus, ça bouge, genre, ça a des pattes. C'est vivant. On dirait un crabe. Mais c'est pas un crabe, on dirait vraiment un escargot, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Sauf que c'est dans l'eau. On dirait une sorte de mini-mollusque et tout. Pas Bernard l'ermite, hein, mais tu vois, mais une sorte de escargot que vous pouvez trouver dans les eaux. Mais vraiment, elle est un petit, c'est pas microscopique, c'est 2 mm. Et on s'est demandé, mais comment ça s'est retrouvé là, quoi? Est-ce que quelqu'un peut nous éclairer? Ce serait bien, s'il vous plaît, expliquez-nous. Parce que là, nous, on. C'était quoi? C'était sur la peau du poisson? Non, ah oui. C'était dans. Moi, je sais en pas tout cas, d'où là, ça vient. Les petits mollusques, il y en a plein, ils sont collés aux vitres. Ouais, il y en a plein. Même si tu regardes dans les petits cailloux en bas, il y en a plein. Il n'y avait pas de plantes de base. Donc on sait pas d'où ils viennent. Ce qui est très bizarre aussi, c'est que ce poisson, ça fait 3 mois qu'il est là. Ouais, comment ouais. Ça se fait que tout d'un coup il y a des coquillages là maintenant? C'est ça. Ils auraient pu naître avant, quoi. Alors on lui donne de la bouffe. Oui, ils auraient pu naître avant. Et on lui donne de la bouffe à ce poisson. Maintenant je crois pas que c'est dans la bouffe. En plus, on a parce a que c'est des trucs secs, tu vois. Il y a pas de. Ah bah. Donc moi je sais pas. Si jamais vous avez une idée, vous pouvez nous expliquer ça en note vocale et tout. Faites-vous plaisir. À mon avis, je vais découvrir vos messages après parce que j'ai encore vos propositions du cul de Damien qui arrivent sur le WhatsApp. Il y a peut-être quelqu'un qui a craché dans l'aquarium. Oh, t'imagines ce qu'il y a dans ton corps et tout peut-être. Alors. Ah. Bon les amis, j'ai le plaisir d'accueillir Jody dans le standard. Bonsoir Jody. Bonsoir. Yo, Jody est dans la maison. Ça va Jody, tu vas bien? Ouais, ça va. Enfin, ouais, si, ça va. C'est un petit ça va, c'est un ça va genre, ouais, ça peut être meilleur. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe la life? Ça va, mais j'aimerais demander ma copine en mariage. Ta copine, ok, très bien, ouais, ouais. Ouais, donc ça fait 3 ans qu'on est ensemble et... Félicitations. Et en fait, ouais... Merci, et j'aimerais la demander en mariage, mais du coup, je voudrais avant la tester, voir si c'est la femme de ma vie ou pas, en fait. Oh, bah, c'est très sympa de faire ça directement pour voir. Bah, écoute, j'espère que ça va bien se passer. On commence le TTFX par une demoiselle avec sa petite copine. Why not? J'adore cette émission. C'est magistral, c'est magique. Jody, on lance ça tout de suite. C'est à tes risques, c'est péril, Jody, tu t'en rends compte, hein? Ouais, je sais, mais je lui fais confiance en fait. Mais j'ai vraiment, j'espère vraiment que je me trompe. Enfin, j'ai récupéré toutes les infos sur Jessica. Ouais. Okay. Je voulais savoir, on est bien d'accord qu'elle a les cheveux roses. Oui, oui. Ok, oui. D'accord. C'est ce qui fait son charme. J'ai toutes les infos, d'accord. Trop cool ça. Bah, splendide. Parfait. Reste avec nous, Jody, ne bouge pas. Là, on va appeler Jessica dans quelques secondes. Un petit message de François. François. Oui, Vince, quand t'as dit que c'était, ça ressemblait fort à une Saint-Jacques, j'ai trouvé, donc je l'ai écrit. Donc s'il vous plaît, cette fois-ci, je pourrais avoir l'image, s'il vous plaît. Je voudrais la photo. Une limace. Ah, une image. Une non, image. L'image de Damien. D'accord, ok. Ah oui, c'est ça, la photo de Damien. Ok, d'accord, pas de problème. On va t'envoyer ça. De Saligour. Merci Damien pour le message. Hein. Moi, je pensais que j'allais avoir mon explication pour l'aquarium, mais maintenant toujours pas. Avant ça, Dean Lewis avec Be Alright. Non, mais c'est ouf quand même parce que j'ai encore le WhatsApp qui plante. J'ai toujours vos messages d'avant, quoi. Sur qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien. Allez, je vais arrêter de parasiter Dean Lewis. Voici Be Alright tout de suite sur NRJ. Vince, bon. Start to tremble and your voice begins to break. You say the cigarettes on the counter weren't your friends, they were my mates. And I feel the color draining from my face. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be alright. So I still look back at all the messages you'd sent. And I know it wasn't right, but it was fucking with my head. And everything deleted like the past year was gone. And when I touched your face, I could tell you're moving on. But it's not the fact that you kissed him yesterday. It's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake. And everything I know tells me that I should walk away. But I just wanna stay. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You find another and you'll be just fine. Let her go. WhatsApp, ça tombe bien. Vince aussi. 0492 222 002. Écris-lui pour vérifier s'il est bien en direct. Et je suis. Bitches, 23h47. Vince dans la maison. Ah bah c'était génial. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé les mecs? Non, désolé. Vous êtes endormis là sur le ouais, coup. Ouais, on était endormis. C'est vrai, je suis désolé. Tu peux vous refaire. Non, je le ferai pas. Oh, non. T'es nul. Bah moi je le fais. Bah Vince dans la maison. Yeah. Alors, juste une info là qui est arrivée. Plusieurs infos. Il y en a plein qui m'ont demandé, Vince, que ton poisson c'est celui-là. Et effectivement, vous avez trouvé un combattant. C'est un bêta, un combattant. Effectivement. Et quelqu'un m'a dit, Vince, va sur internet, je viens de trouver. Et effectivement, comment débarrasser un aquarium des escargots? Oui, mais. Alors, des escargots qu'il y a? Je lis ce qu'on m'a envoyé. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver sur Energie, je rappelle qu'on a un animal ici, un petit poisson qui s'appelle un bêta, un combattant, hein, ouais. Un poisson qui fait pour rester seul, etc. etc. Et ce poisson-là, il n'y avait rien du tout. Ouais, et tout d'un coup, trois mois qu'il est là, tranquille. Des micros, vraiment des mini-escargots ont fait leur apparition, on ne sait pas d'où ils viennent. On ne savait pas quoi, comment, il n'y avait pas d'organismes vivants avant ça. Et bien là, on me dit, Vince, les escargots sont des habitants importants, donc chiants, dans un aquarium, qu'il s'agisse de leurs œufs ou d'eux-mêmes. Ils intègrent l'aquarium par l'intermédiaire des plantes vivantes. Mais c'est là qu'est la question. Il n'y a pas de plantes vivantes, il n'y a que des trucs en plastique. Donc je ne comprends pas comment ces escargots sont arrivés là. Est-ce qu'ils n'étaient pas dans l'eau, tu vois, la première eau, quoi. On nous dit, ouais, mais attends, on nous dit, ils s'agrippent aux ornements malsains et humides qui sont transférés d'un aquarium à un autre. Alors, moi, je me pose une question. On a tout un mur végétal sur lequel les organismes, bien sûr, c'est puisque black. Est-ce que, comme ils sont en état microscopique, non, c'est pas est-ce vrai. Que avec courant d'air, avec le vent, est-ce qu'ils n'ont pas été transportés, se sont retrouvés du coup dans l'eau et se sont développés dans l'aquarium? Mais est-ce que c'est le même escargot? Est-ce qu'un escargot de terre est le même? Oui, parce que ça vient d'une plante, visiblement. Ça vient d'une plante. On nous dit. Oh, c'est incroyable cette histoire. Mais oui, comme quoi la life, t'as vu comment ça se transmet? Putain, il avait raison le mec dans Jurassic Park quand il dit la vie trouve toujours son chemin. Ah oui. C'est phénoménal. C'est ouf, ça. Donc il suffit d'un seul escargot pour en créer plusieurs. Ah ouais, putain. Mais faut les laisser vivre, après on pourra les grailler. Hein. Tu veux qu'on fasse toute une culture d'escargots, toi? Ouais, ça peut être bien, ouais. Ils peuvent envahir un aquarium, il faudra prendre du temps et des efforts pour vous débarrasser d'eux, mais ça en vaudra largement la peine d'avoir un aquarium exempt d'escargots. Putain, le travail que ça va faire d'enlever ces escargots-là. Mais je découvre quelque chose, franchement, j'ignorais. Il y a quelqu'un en 3018 qui a dit: salut Vin, c'est Nigel qui s'est masturbé au-dessus de l'aquarium, Arnaud de la Louvière. Il y a plein de petits Nigel qui sont en train de nager, là. Incroyable. Et merci, hein, Vince. Salut toute l'équipe. Vraiment super votre émission. Et Vince, ça fait depuis longtemps que je t'écoute, depuis tes débuts ailleurs, là, avec Vénère, et t'as pas changé. Tu gères toujours. Merci pour ce message. Ça fait vraiment plaisir. Vince, j'ai eu pareil, et c'est possible, dans les petits cacas du combattant pour t'en débarrasser. T'imagines même pas. Mais comment les escargots se sont trouvés? De base, c'est pas le caca qui a fabriqué l'escargot, que je sache. Non, donc ça veut dire que dans le caca du combattant, le combattant, ça veut dire que c'était déjà dans son corps. Ça vient pas du caca. Il faut m'expliquer d'où ça vient. Moi, je crois que c'est l'eau. Toi, tu crois que c'est la plante? Moi, je crois que c'est l'eau à la base. Ouais, mais l'eau à la base, c'est du robinet. Mais non, mais le premier aquarium, c'est-à-dire chez le vendeur. Donc quand il était dans un sac. Donc c'était sur le poisson. Peut-être, oui. Ou alors un micro-organisme dans l'eau, quoi. T'imagines comment et des micro-organismes qui sont développés en escargot? Mais les gars, ça prend des millions d'années normalement, ça. Mais non, mais des micro-escargots, genre le mini bazar, quoi. Oui, d'accord, mais quand un escargot naît, il est pas microscopique quand même. Ouais. J'en sais rien, moi. Mais c'est intéressant de se poser la question. Enfin, moi, je découvre des trucs sur la live. Mais regarde alors escargot d'aquarium et tu regardes sa tronche. Christelle, qu'est-ce qu'elle me dit Pour prendre ton poisson, on a pris l'eau. Dans un aquarium, voilà. Il y a des plantes. Oh, putain, c'est ce que moi je me dis aussi. Effectivement, ouais. So simple. Vince, les escargots, ils sont arrivés à cause de l'eau. Elle a raison. Soit ils se sont mis sur le poisson, soit ils traversaient de l'eau qu'il y avait dans le sachet. Et donc, du coup, il y avait des œufs. Ils ont avec l'eau. Et voilà, maintenant, tu as des escargots. Mais il ne faut pas les enlever spécialement. C'est bon pour ton aquarium, bien au contraire. Bah, c'est vrai, est-ce qu'ils vont pas nettoyer l'aquarium, du coup? Mais moi, je vois pas pourquoi il faudrait les enlever. On les laisse se développer, bon, laissons la nature faire son travail, hein. Vince, que t'es sûr que ce sont des escargots? Oui. C'est peut-être un insecte qui est venu pondre dans l'aquarium et ce sont des larves. Envoie une photo Facebook. Tout à l'heure, sur Insta, je vais vous faire une photo, comme ça vous allez voir. On va essayer de zoomer bien pour que vous puissiez voir ça sur Instagram. L'arco est hermaphrodite. Bon courage. Ouais, c'est vrai, il peut se reproduire tout seul. J'ai une noix de pitongle. Oui, mais merci, Damien. T'as pris du temps, hein. C'est déjà dans le corps du poisson. Il était là avant. Il a peut-être des plantes et des escargots. Que t'as mangé, voilà, qu'il a mangé, voilà, là, Geoffrey. J'ai fait un escargot sur le dos d'une tortue. Excellent. Non, attention, Jodie, est-ce que tu es prête, ma chérie? Oui. Jodie dans le TTFX. On inaugure le TTFX avec Jodie et sa copine Jessica. Lara va tenter de dragouiller Jessica pour voir de quoi il en retourne. Aïe. Je déteste ce jeu. Ah oui. Mais c'est de retour. Allez, c'est pour ma pomme, on y va. C'est parti, on va voir comment ça se passe. On va voir si elle a fini. On va voir si elle va décrocher. Elle alors attention, tard. Si jamais ça part en sucette, Jodie, tu interviens quand tu veux. Hein. Quand tu veux. Ok. C'est parti, on appelle. Bonne chance. T'as le jeu que vous avez demandé à qui ça revient, ben ça revient. Voilà, on y est. On appelle tard, on espère qu'elle est conscience. Allô? Jessica, en fait, tu me connais pas. Je sais qu'il est un peu tard, je suis désolée de te déranger à cette heure-ci, mais en fait, j'ai eu ton numéro via Nico. Nico, mon cousin? Oui, Nico, ton cousin. Et je suis désolée, je sais qu'il est super tard et d'habitude, je n'appelle pas à cette heure-ci. Enfin, tu me connais pas vraiment, mais je crois qu'on s'est déjà aperçu. Mais en fait, je termine super tard et je voulais absolument t'avoir à un moment donné dans la semaine au téléphone. Et bon, tu dois dire que c'est un peu bizarre que je t'appelle comme ça, tu sais pas qui je suis, mais en fait, j'ai parlé avec Nico parce que il y a quelques jours, en fait, je me suis baladée et tout au marché de Noël. Et je vous ai vu en fait de loin, mais je vous ai pas dérangé parce que voilà, moi aussi, j'étais avec des potes et tout. Et en fait, après ça, j'ai recroisé Nico, on en a parlé, puis on m'a dit qu'il était avec toi et tout, et voilà, j'ai voulu un peu, en savoir un peu plus sur qui t'étais, parce que sur le moment, je t'ai regardé de loin, j'étais un peu scotché, quoi, je sais pas comment te dire. Bah ouais, mais c'est chelou. Ouais, je sais, c'est hyper bizarre, j'avoue. Ouais, je sais, c'est bizarre. Et t'as donné mon numéro comme ça, lui? Bah écoute, on se connaît quand même super bien. Ça fait des années qu'on a été à l'école ensemble et tout. Et j'avoue que je l'ai un peu emmerdé, quoi. Il m'a donné ton numéro. Il m'a dit qu'il te préviendrait, mais je sais pas, il t'a pas prévenu? Non, pas du tout. Ah ok, d'accord. Bah écoute, voilà.

attention, cette émission dépasse les limites des bords des frontières. Peggy 18. Ouais, ça c'est sûr et certain. Bienvenue, minuit 6, les amis, et l'émission elle continue. Ouais, on s'arrête pas tout de suite, on s'arrête pas en si bon chemin. Plein de messages qui arrivent là, c'est assez dingue. Hein. Carlo qui nous dit ça là. Et Nadiel, t'as trop raison. Nadiel l'a dit, hein. Faut pas chercher à savoir ce que tu veux pas savoir. Si tu veux savoir, ben bah, tu sais, faut assumer. Ça mérite d'être clair. Et la pauvre Jody, bon bah ça lui a fait un sacré coup à la tête. Allô Jody, tu nous entends? Ouais. Bon, rappelle-la quand même, discute avec elle hors antenne. Essaye de savoir le pourquoi du comment. Comment est-ce qu'elle concevait le couple que vous étiez en train d'avoir là? Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? 3 ans, putain. Oh my god. Ouais, mais 3 ans pour avoir réagi comme ça, super rapidement. J'espère qu'elle a pas fait ça avant, quoi. J'ai l'impression que... Mais surtout que moi, si j'ai bien compris, tu voulais la demander en mariage, là? Ouais, ouais, en fait, le jour du Nouvel An, j'avais prévu de l'emmener à Londres. Et en fait, ouais, je voulais la demander en mariage, quoi. Donc, mais bon, ta réaction... Eh, ça va te permettre d'économiser. Ouais, non, mais là... Ouais, non, là, je suis ruinée, en fait. On nous dit... T'inquiète, ma chérie, on nous dit, respect, tu trouveras mieux. Dis-nous, préférez savoir ou ne pas savoir quand vous êtes trompé ou quand votre compagnon peut vous tromper. C'est la question que je me posais là. Geoffrey, tu en penses quoi? Là. Ce Nigel, le mec qui est super fragile, qui écoute du dadju, et l'autre se fout de la gueule des gens qui sont... soit dans la friend zone ou qui viennent de se faire quitter comme ça à l'antenne. Mais Nigel, c'est le diable, hein. Oh là là, mon pauvre. Nigel. Il parle comme un vieux. La merde. Non, mais Johnny, donc fais pas gaffe à Nigel qui. Il s'appelle Johnny en plus. Non, c'est Geoffrey qui s'appelle. Mais depuis quand on écoute des mecs qui s'appellent Geoffrey qui passent dans les choses intimes. On écoute beaucoup Geoffrey, il y en a un qui nous aide beaucoup à réparer notre matos ici. C'est vrai, ouais, mais ça c'est notre pote, mais pas Geoffrey. Attends, moi j'ai une question. Oui. Depuis quand on écoute Nigel? Oui, c'est vrai, bonne réponse. Merci. Très bonne anecdote. Moi j'ai une question. Objection rejetée. Moi juste une question, depuis quand on classe son équipe? Alors, elle a joué avec le feu, elle s'est brûlée, elle devrait s'attendre aussi à ça. Mais pourquoi? Je pense qu'à partir du moment où t'as des doutes, enfin excuse-moi, mais t'avais déjà des doutes, sinon t'aurais pas appelé, ouais, tu nous aurais non, pas appelé. Clair. Donc voilà, là, bah t'es fixé. Ouais, alors Virginie, elle nous envoie une autre vocale aussi. T'as appris comme Nadja, la meuf elle arrête pas de pleurer, et toi, ce que tu fais, tu rigoles. Franchement, ça se fait même pas. Arrête un peu. Ah, le tout pleuré chez vous là. Ah, c'est bon. Et ils vont casser les couilles. Hein. Ah, ils vont casser les couilles. Lui, il envoie un message, on dirait qu'il est en train de faire un jogging dehors. Ah, c'est pas lui, c'est elle. Ah, c'est elle. Bisous. Bisous, elle. Salut à David qui se connecte très tard là. Qu'elle vende la bague et se fasse plaisir à Londres. C'est ce qu'elle nous envoie pour toi, Jody. Alors, salut Vince. Ça m'a grave touché ce qui vient de se passer à l'antenne là, entre Jody et Jessica. J'aimerais beaucoup en discuter avec elle. Est-ce que tu peux lui proposer ou carrément lui passer mon numéro? Voilà. C'est quelqu'un qui m'a écrit ce message sur WhatsApp. Quelqu'un qui n'a jamais envoyé de message avant. Il s'appelle Test 4R ou casquette. C'est Test 4R, donc je sais pas si c'est Test 4R ou je sais pas. Test ton futur mec. Dis-moi ton prénom quand même, parce que voilà, on doit savoir qui tu es exactement avant de donner avant de donner n'importe quel numéro de téléphone. Bonsoir, franchement, bon courage à Jody la pauvre. J'espère qu'elle arrivera pas à se rebâtir. Nigel, entre parenthèses, t'es pas un gentil. Voilà, c'est ce qui t'a envoyé. Oh, un homme, ça ira beaucoup mieux, tu vas voir. Mais pas forcément, hein. Elle a juste à aller vers ce qu'elle kiffe le plus, quoi. Perso, j'ai su que c'était le plan cul de mon copain le dernier week-end de notre relation. Oh. Et ça m'étonnerait pas de savoir qu'il m'aurait trompé. What? Ah non, perso, j'ai su que j'étais le plan cul de mon copain dernier week-end de notre relation. Et ça m'étonnerait pas de savoir qu'il m'aurait trompé. Bah, si t'étais le plan cul, ouais. Et que toi tu pensais que t'étais en relation, voilà quoi. Ça elle craint. Est punie parce que les lesbiennes, c'est tout. Dieu voulait pas ça. Bon, Damien. C'est celui qui se met des trucs dans les fesses. Alors, dit, hein. Jody, je te